Et il a documenté ça à la Cranbrook Kingswood High School Bowling Alley à Bloomfield Hills au Michigan. Il a fait un abat. Ben, il avait un plancher assez long pour pouvoir mesurer le résultat. Donc, sa diète, il a pris beaucoup de métamucil, qui dit. La substance fibreuse qu'on met dans de l'eau là, ou dans du jus. Et puis, c'est ça, il a duré une semaine. Dans le fond, il a travaillé là-dessus très, très fort. Et il a utilisé, une... comment dire poliment? Une butt plug. qui est fait spécifiquement pour empêcher les excrétions prématurées. Ah! Il a vraiment voulu faire ça. Là, c'était un défi qui s'était donné. Wow. C'est la longueur de son colon et il s'empêchait lui-même d'aller faire ce qu'il avait à faire, aller porter des enfants à la galère. Oui. C'est tout un dallo. À cause de bowling alley. Tout un dallo. Ouais. Mm. En tout cas, lui, il tripe plus ses grosses que ses petites. J'ai fait le tour. Là. Ouais, je sais pas. Ouais. C'est de sentir meilleur que les souliers. Oui, pas sûrement. C'est la lettre bowling. Oui. Puis, t'as parlé de butt plug. Oui. Oui, merci de la rappeler. C'était comme, tu sais, il y a trois trous là, dans la boule. Ouais, je sais pas, là, j'essayais. Je sais pas, le dernier mot va à... Je sais, Maloc, là. C'est un chat. Qui aboie. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Moi, je connais une chanson pour écœurer le monde. Moi, je connais une chanson pour écœurer les gens. Moi, je connais. Et ça, c'est la chanson des hipsters, finalement. Ben oui, mais clairement. clairement. Hey, j'ai eu un commentaire hipster hier. Là, où je te partage l'anecdote d'une de mes amies. Mais ma belle-sœur, en fait, que je salue. Et hier, on parlait, on était en voiture, on parlait, puis à un moment donné, elle s'est mise à dire qu'elle écoutait un disque juste pour faire fâcher Alexandra, ma copine, sa sœur, donc. Et c'était 50 Cent. C'était le premier disque de 50 Cent. Et elle a fait « Non, mais moi, c'est le premier disque dans le temps qui était bon. » Je l'ai regardé, puis elle a dit « Hey, parle pas! » Dis rien! C'était comme, même si c'est 50 Cent, là, tu peux pas être hipster sur 50 Cent à un moment donné. Là. Ça a là ses limites. C'est dans le temps que personne connaissait ça. Oh, ouais, c'est ça. Dans le temps que je chantais pas Candy Shop. Exact. Bref, salut Danny. Salut Max Tanguay, ça va? Ça va très bien, toi. Yes. Et écoute. Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans ton iPod? Hey, j'ai de quoi que je crois qu'il va te plaire. Tant mieux. C'est un genre de... Tu sais, quand quelqu'un te parle d'un artiste, puis là, tu fais « Ah ouais, faudrait que je découvre ça. » Puis là, un an plus tard, tu fais « Colin, c'est pas fait encore. Ouais, » ouais. Ah, ben tiens, un nouvel album, je vais tester. C'est ce qui est arrivé dans mon cas. Et c'est Trenty Muller. Non. Ah, Trent Muller, je sais pas comment... Ah, ben non, je connais pas. C'est pas le gars de Nine Inch Nails? Ah non, c'est Trent Reznor. Pardon, excuse-moi. Muller. En fait, Trenty Muller, de son nom complet, Anders Trenty Muller, un Danois de 38 ans, qui fait... Et là, c'est là que tu vas m'être très utile dans ma chronique après avoir entendu certaines pièces, parce que c'est lui, il fait dans l'électro. Oui. Puis, je suis pas à l'aise avec tous les raccoins de l'électro. Ben, donc, je vais te dire des choses que tu pourras contredire parce que je sens que tu es quand même plus à l'aise que moi là-dedans. Pas sûr, tant que ça. Tu as tellement de bonnes connaissances musicales. Ouais. Moi, j'en écoute plus depuis. Ben, j'en écoute, là. J'en écoute plein, mais j'en écoute beaucoup moins depuis j'en fais plein. OK. De la musique. Parce que je veux pas. J'avais la fâcheuse habitude de quand j'écoutais de la muse, à essayer de faire ce que j'entendais. Oui. Donc, je me suis comme un peu arrêté d'écouter de l'électro. Puis même, j'en écoute moins que j'écoute d'autres styles de musique. OK. Je m'inspire des autres styles pour faire de l'électro. C'est intéressant, ça. Fait que non, avant, je m'y connaissais plus. Avant d'en faire de l'électro, j'en écoutais plus que là. OK. Donc, en tout cas, c'est ça. Mais écoute, cordonnier mal chaussé, comme on dit. Mais en même temps, c'est une bonne idée des fois de s'isoler un peu pour pas refaire. Ben, c'est parce que tout est déjà vraiment tout le temps tout fait. Puis en tout cas, c'est déjà toutes des hybrides. Fait qu'on faut faire un peu notre façon de. Non, mais c'est vrai, tout est des hybrides aujourd'hui. Oui. On peut plus inventer grand chose. C'est rare. Si t'invente de quoi, c'est genre quelqu'un qui crie pendant 5 minutes, puis c'est pas le fun. Ouais, moi, la dernière affaire que j'avais entendue de nouveau, puis là, ben c'est déjà brûlé, ben c'était le genre des genres de sons dubstep, puis tout ça. Oui, ben oui. Ça a comme fait révolution, mais après. Un mois et demi, deux mois, j'étais plus capable. Ah ouais, parce que là, il y a 20 artistes qui ont sorti pour commencer à faire ça. Les pubs à TV, c'est ça. Les pubs à radio, c'est ça. Toutes les présentations de jingles, c'est du. C'est d'usé à la corde tout le temps. Dubstep tout le temps. Ouais. En tout cas, puis j'ai un peu découvert aussi la façon de faire ça. Il n'y a rien de magique finalement. C'est juste d'avoir le bon logiciel puis de savoir comment travailler avec. Pis... Écoute, juste avant de tomber avec Trenton Moller, tu iras voir, je le suggère aussi aux gens à la maison qui nous écoutent ou en voiture, peu importe. D'aller voir Yelvis, qui est un peu comme une sorte de Lonely Island, okay. Mais des pays scandinaves, je me souviens pas quel pays exactement. Et c'est Alexandra, justement, qui m'a fait écouter une chanson où c'est du dubstep, mais c'est la chanson, la trame, la chanson, c'est une chanson de comédie musicale. Okay. Mais le gars, dans le fond, ce qu'il dit, c'est qu'il n'est pas capable de rencontrer des gens, parce que lui, il aime une musique que personne n'aime, c'est le dubstep. Et en plein milieu, de temps en temps, dans la chanson, il y a du gros dubstep qui embarque, et c'est génial. Allez voir aussi le vidéo. C'est super bien fait. Puis il rencontre l'amour de quelqu'un qui aime aussi le dubstep. Puis ça fait rien qu'une espèce d'amour dubstep bizarre. En tout cas, on va aller voir ça. Un mix de styles vraiment bien réussi, mais plus humoristique qu'autre chose, mais bien réussi. Excellent. Donc, Anders Trentemøller qui est dans le style. Écoutez, les styles que j'ai vus. Okay, parce que je connais, il y a trois albums, je connais malheureusement seulement Lost, qui est son troisième, qui vient tout juste de paraître. Celui dont tu nous parles. Là. Exactement. Okay. Dont la pochette est magnifique. Oui, je vais regarder ça. Et donc, c'est les styles que j'ai vus souvent associés à Trentemøller, c'est du house progressif, de la musique minimaliste, du down tempo, du chill out, techno, la musique ambiante. Et il va aller chercher quelques éléments, des fois soit rock, soit folk, mais quand même très, très. Juste en influence, là, plus okay. Un peu comme tu dois faire aussi avec ta musique. Et Lost, particulièrement, l'album un peu moins club qu'il a fait. Puis quand je dis club, c'est pas justement 50 Cent, tout ça gagne. Ouais, c'est du bon club. Là. Et c'est celui où jamais il va avoir le plus d'artistes invités qui vont venir chanter des chansons. Non seulement, en fait, lui fait uniquement la musique. Okay. Les chansons qui sont chantées, c'est l'artiste qui a composé paroles, qui a fait les mélodies. Et c'est l'album où il y a le plus de chansons comme ça. Donc, c'est à la limite, il y a certaines chansons qui sont carrément accessibles, qui sont... plus pop, mettons. Quasiment plus pop, mais en gardant tout le temps. Lui, de un, comme c'est un musicien... moi, le grand respect que j'ai pour les gens qui font de la musique électro, de la musique techno, c'est le souci de la production, souvent, aussi du son. Ben, un peu comme les artistes hip-hop le font aussi. Le son est tout le temps extrêmement important et c'est une production incroyable qu'il a faite sur son album. Tout sonne comme une tonne de briques. Tout est à sa place. C'est vraiment impressionnant. Il y a des gens qui ont critiqué justement un peu négativement cet album. Non, ils n'ont pas critiqué négativement, mais qui ont été un peu étonnés de cet album-là en disant, mais on ne s'attendait pas vraiment à ça. Lui qui était plutôt habitué à avoir des chansons plus longues, instrumentales, plus down tempo, justement, plus lounge à la limite. Là, il a raccourci un peu ses pièces. Oui, mais c'est autant qu'il y a des pièces de 7 minutes, autant qu'il y en a de 3 minutes et demie. Okay. Ça varie beaucoup dans les 12 chansons de l'album. Et lui a répondu à ça, mais en fait, si vous saviez à quoi vous attendre d'un album de Trentemøller, ça n'aurait pas été un. Ah, parce que moi, je préfère... C'est une belle réponse. C'est une très belle réponse. Je suis vraiment rendu là. Ouais. Puis je préfère... écoutez, embarquez avec moi ou embarquez pas. C'est tout. Puis, c'est la façon de plusieurs producteurs électro. Oui, de voir la chose et puis c'est la meilleure façon de le faire. Oui, puis je pense que c'est celle qui te tourmente moins le soir. Oui, parce que sinon, si le monde... Tu sais, mettons, surtout s'il y a quelque chose qui a marché ou quelque chose, puis là, le monde veut ça encore. Oui. À un moment donné, t'es plus là. Non, c'est ça. Il faut évoluer aussi. Oui, exactement. Parce que c'est justement un travail souvent que tu fais avec toi-même, t'es tout seul. Et sinon, je m'excuse, je veux pas être vulgaire, mais c'est comme si tu te crosserais à longueur d'année. Là. Oui, tu, non, mais t'arrives c'est, à rien. C'est un terme choc, mais moi, je suis tout à fait d'accord c'est avec ça. C'est vraiment ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je veux dire, t'es tout seul. Fait que si tu veux montrer, si tu veux évoluer, il faut que tu ailles vers d'autres choses. Exactement. Exactement. Même de là, moi, puis ce qu'il me dit, puis là, je m'en viens dans mon problème, mais qui fait que souvent, des fois, les mondes vont changer de nom de projet ou vont changer de. Ouais. Tu sais, parce que tu as donné. Trop différent, exact. Tu as trop donné un son à ce projet-là. Tu veux pas l'accrocher à là, mais en même temps, des fois, quand ton nom est fait, tu veux que ça reste parce que c'est dur de se faire un nom. Oui, oui, effectivement. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends tout à fait. C'est des raccoins qui sont... Oui, ouais, effectivement. À penser. Ah, oui, ah, oui, oui, tout à fait. Trois artistes, en fait, j'avoue qu'il y en a deux que j'ai que je connais pas nécessairement, mais trois artistes de renommée qui ont fait partie du projet. Entre autres, il y a Marie Fesker qui chante dans Candy Tongue, okay, qui serait la première chanson qu'on irait entendre, la quatrième piste du disque. Et il y a Kazuo Makino du groupe Blonde Redhead qui chante Come Undone aussi okay, sur l'album. Et un groupe que j'adore, que je me roule dans du plaisir en écoutant ça, c'est le groupe Low. Qui chante, dans le fond, c'est Mimi Parker et Alan Sparhawk, tout le monde a misère à prononcer son nom, qui est un couple, dans le fond, qui, Low, en fait, qui chante The Dream, la première chanson, avec leur harmonie de voix là, assez incroyable qui fit que trop avec le style très fantomatique, à la limite, de Anders Trentemøller. Donc, je vous offre Candy Tongue, qui est une chanson qui va vous montrer un peu le côté plus, je dirais, accessible, mais plus chanté, moins éclaté du disque. Bon, ça, on va écouter ça tout de suite avec plaisir, et puis je vais écouter grandement, parce que... Non, mais c'est vrai, les trucs m'inspirent dans ce que tu m'as dit, puis ça me rapproche à ce que je peux vivre un peu. Excellent. Thank you. Donc, Candy Tongue avec la participation de Mary Fisker. Je connaissais pas cette demoiselle. Moi non plus, mais elle a une belle voix. Oui, oui, vraiment. Elle est très fantomatique, comme tu disais. Oui, oui, oui. C'est... c'est très automnal. Oui, mais pour vrai, c'est vraiment un album que je vais écouter cet automne et que j'ai hâte d'écouter cet hiver. En ça vient de sortir, là? Oui, ça a sorti il y a un mois environ, un mois et demi. À peu près. C'est son troisième disque. Sinon, il a lancé The Last Resort en 2006, qui semble-t-il être vraiment un bijou à posséder pour tout amateur de musique électro. Et Into the Great Wide Yonder, que j'ai moins entendu parler, qui est sorti en 2010, mais qui, selon un ancien collègue à moi, était aussi un excellent album. Je vais être obligé d'aller me découvrir ça, parce que je trouve ça vraiment inspirant. Ben, ça va me faire plaisir, écoute, de te faire découvrir ça. Et justement, moi, je suis tombé en amour. Ça, c'est le côté... tu me dis, c'est pas si accessible que ça. Effectivement. T'sais, c'est pas de la pop, là. On Non, pas du tout. C'est vraiment, à la limite, à la maison, je peux plus ou moins faire jouer ça parce que, justement, c'est trop... C'est trop dark. C'est trop glauque, un peu, comme ambiance. Très, comme je dis, très scandinave parce que les autres, ils aiment ça. Puis, moi aussi. Oui, on aime ça. Ben, je pense que le mouvement musical est pas mal ça en ce moment. Oui, oui. Il y a beaucoup des trucs de Danois, Norvège. Ouais. Le nord de l'Europe fonctionne bien. Oui, il fonctionne. Oui, effectivement. Puis ils ont une sorte de liberté créatrice, eux autres. Ouais. Puis il y a une réponse, on dirait aussi. Oui, mais une très bonne réponse. Parce que justement, tu sais, si on va ailleurs, partout dans le monde, il y a tout le temps des. Tu sais, aux États-Unis, c'est horrible comment. C'est généralement les produits plus populaires qui vont tout le temps être mis de l'avant. C'est juste ça qui est en promotion. Mis de l'avant. La Scandinavie, la plupart du monde n'ont un peu, ils s'en foutent, là, carrément. Puis je comprends pas. T'as pas de petite chanteuse qui se brasse les fesses Non. C'est stage, là, qui vient de Scandinavie. Pantoute. Ça donne probablement plus d'espace pour des artistes comme ça. Puis même le métal en Scandinavie est quelque chose d'assez au sommet. Oui, exact. Tout ce qui est métal extrême. Exact. Là, c'est un culte là-bas. Puis au Danemark, cet album-là a été deuxième dans les charts. Je pense qu'il faudrait que je déménage. Sérieux. Oui, ben moi aussi, des fois, je me dis ça. Il faudrait que je déménage, je pense. Hein? Et moi, ce qui m'a accroché beaucoup plus, par contre, malgré que la chanson était très bonne, puis les autres chansons, River of Life, est hallucinante, avec un beat très agressif, mais que ce côté-là, il y a une chanteuse aussi qui est présente et tout. Mais moi, le côté que j'ai vraiment apprécié, c'est le côté instrumental, justement, avec entre autres Still on Fire, qui est la troisième piste qui précède Candy Tongue sur l'album, qui est instrumentale. Et là, c'est vraiment la texture and Death Strand Tremolar que vous allez pouvoir vivre avec. C'est lui, ça. Ça, c'est uniquement lui, avec sa forme de musique glauque, mais dance. Mais tu sais que ça peut passer d'un club macabre, mettons. OK. Il y a des gens un peu dans une autre dimension qui vont danser. Okay. En tout cas, c'est une drôle d'image. Ou s'il y a du monde qui sont trop party puis tu veux les faire danser un peu. Là. Ah oui. C'est du monde un peu trop candy raver. Là. Oui. Là, tu lui mets ça, ils ont peur. Là. Ah oui, ils risquent d'avoir peur, effectivement. Mais vraiment, excellente chanson, Still on Fire de Trent Moller. L'album, c'est Lost, je le répète.

Donc, environ la moitié des femmes ont toujours une 50%. Bonne vie. 50%. Ouais. Dans des cas très, très rares, les crampes menstruelles peuvent causer l'orgasme. OK. Je sais pas ça. Au 18e siècle, en Nouvelle-Angleterre, le bundling, tu sais ce qu'on appelle maintenant avec les chaînes de télé, le bundling, c'est quand tu dois acheter une affaire pour en avoir plusieurs, tu sais, ou à l'épicerie, tu vas en acheter deux pour avoir un prix. Mm-hmm. Bundling, c'était quand les couples qui n'étaient pas mariés pouvaient coucher ensemble dans le même lit, en tant qu'ils soient complètement habillés. OK. C'est ce qu'on appelle le bundling au 18e siècle en Nouvelle-Angleterre. Toujours en Nouvelle-Angleterre, pendant les années 1700, un couple qui n'était pas marié et qui se faisait prendre en train de faire des affaires, la fornication, pouvait se faire fouetter, avoir à payer une contravention, ou les deux. Ah, OK. Se faire fouetter pendant que tu payes. Ça doit être ça. Oh, ouais. Oh, kinky. Wow! Et jusqu'au milieu des années 1600, on croyait que de petits êtres humains existaient dans l'éjaculation des hommes et qu'ils avaient besoin juste d'une place pour grandir. Donc, c'était le ventre. Oh, c'est si naïf. Des petits bonhommes, c'est comme quand tu regardes la TV. Des petits bonhommes. Allô? Tout le monde. Allô? Allô? Voilà pour Kinky Sexy Time. Mais j'arrive pas à avoir une voix très aiguë. Non? Et t'arrives pas à cracher ton café? Non. Peut-être que tu pourrais cracher ta voix, mais boire ton aigu. Non, c'est d'inverser les choses. C'est même pas drôle. Ça n'a pas de sens. Donc voilà pour King Sexy Time, c'est belle fin. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Tantôt, je vous parlais, on allait faire un gros dossier sur la miction. Hein? On y va tout de suite. C'est comme ça. Donc, la loi universelle de la miction, on apprend que tous les mammifères mettraient 21 secondes à uriner. Hein? Chien, chat, chèvre, éléphant, qui aurait cru que tous ces animaux de la taille très différente mettent tous le même temps pour faire une petite commission? C'est pourtant ce qu'affirment des chercheurs de l'Institut de technologie de Georgia qui viennent de découvrir la loi universelle de la miction, l'art d'uriner. Selon eux, il faudrait approximativement 21 secondes à tous les mammifères pour vider leur vessie du liquide qu'elle contient. Pour arriver à cette conclusion, eh bien, les chercheurs ont observé de près les animaux des eaux environnants, donc ainsi que des heures de vidéos sur YouTube, mais ils n'en étaient pas à leur premier coup d'essai en matière de fluide. En effet, comme l'explique le New Scientist, Patricia Yang et son équipe, ont déjà effectué de nombreuses études sur l'interaction des fluides et des animaux. Précédemment, ils avaient ainsi percé le mystère canin. Comment les chiens se sèchent-ils en se secouant? Ils se la secouent. Donc, lors d'un tournage dans un zoo local, les scientifiques se sont aperçus que de nombreux animaux, quelle que soit leur taille, passaient environ le même temps à uriner. Et pour affiner donc cette durée, ils ont filmé pendant des heures des rats, des chiens, des chèvres, des vaches et des éléphants en train d'uriner. Ils ont également collecté de nombreux extraits sur YouTube d'autres mammifères en train de se soulager. Ils ont ensuite combiné ces observations avec leurs données sur la masse et la pression de la vessie ainsi que de la taille de l'urètre de chaque espèce. Ce dernier, bien sûr, ce canal qui sort de la vessie et lui permet donc d'évacuer ce qu'elle contient. À partir de là, l'équipe de chercheurs a pu créer un modèle mathématique et des systèmes urinaires. A pu créer un modèle mathématique des systèmes urinaires. Ces derniers leur ont ensuite permis de montrer pourquoi les mammifères mettent 21 secondes à vider leur vessie. Une similarité étonnante quand on sait que le volume des vessies des animaux varie entre 100 millilitres et 100 litres. Selon eux, c'est la longueur de l'urètre qui est l'élément le plus important. Précédemment, d'autres modèles de miction avaient été établis pour de petits mammifères en se focalisant seulement sur la pression de la vessie. Jusqu'à présent, la plupart des recherches sur le sujet étaient effectuées sur des humains ou des mammifères plus petits que les humains. Détail Patricia Yang et les effets de la gravité pouvant être alors ignorés. Mais ce n'est pas le cas pour l'éléphant, chez qui l'urètre peut atteindre des dimensions d'un tuyau de 10 cm de diamètre pour 1 mètre de longueur. 10 cm, ça commence à être du tuyau. Dans ce cas, la taille compte, car l'urine peut atteindre des vitesses plus élevées lorsqu'elle est évacuée avec un flux plus rapide. La vessie d'un éléphant se vide en 21 secondes, comme pour les plus petits mammifères. Les animaux moyens, comme les chiens ou les chèvres, possèdent, eux, des urètes assez courtes et donc bénéficient d'une poussée gravitationnelle plus faible. L'évacuation aussi de leur urine est plus lente et ils ont des plus petites vessies. Le tout fait qu'ils mettent également 21 secondes pour uriner. Ainsi, la taille de l'animal n'a aucun impact, en tout cas très faible, sur le temps de miction. Selon l'équipe de scientifiques, eh bien, le temps d'un mammifère qui met à vider sa vessie est proportionnel à la masse de l'animal puissance 6. Ce qui signifie que les différences importantes de poids ont peu d'impact sur le temps. Toutefois, cette proposition possède ses limites. En effet, la gravité ne joue qu'un mince rôle lorsque certains petits mammifères comme les rats ou les chauves-souris urinent, puisqu'ils mettent moins d'une seconde. Dans ces cas, c'est la viscosité de l'urine et la tension à la surface qui dominent. Par conséquent, leur urine est évacuée par des petites gouttes plutôt qu'un jet continu, comme chez les grands mammifères. Grâce à ces nouveaux résultats, Patricia Yang espère que cela permettra de faciliter la diagnostic de problèmes urinaires chez les éléphants et autres mammifères imposants. Selon elle, ils pourraient être également utilisés pour développer des structures pour les tours d'eau qui utilisent aussi la gravité pour pomper l'eau. Donc, des applications dans plusieurs domaines. Bien intéressant. Très, très intéressant. Et puis, tiens, on va se faire un petit top ici. S'il peut arriver, là, ça va être bien. On va aller se faire un top sur les accidents qui peuvent arriver pendant l'activité sexuelle. On y va. Hein? Première, et moi celle qui me fait la plus peur, hein? La fracture du pénis. John Doe contre Mary Moe, deux pseudos qui s'affrontent dans une sale affaire. L'homme accusé en effet sa compagne de lui avoir fracturé la bite. Hein? Lors d'une nuit de sexe particulièrement intense, le terme fracture est un peu exagéré puisqu'on parle en fait d'une rupture de tissu spongieux. L'incident est très rare, mais fait quand même un peu flipper tout homme normalement constitué. Et il me semble que ça doit faire mal. C'est incroyable. Introduction de pommes de terre. Sinon, ici, en deuxième position, on parle d'accidents qui ont lieu durant l'activité sexuelle, pour ceux qui viennent de joindre à nous. Donc, une banale histoire arrivée à un prêtre britannique. Selon sa version des faits, l'homme d'église changeait ses rideaux nu, hein, pourquoi pas, et perdant l'équilibre, il est tombé sur une pomme de terre qui traînait sur la table de sa cuisine. Hein? Admettons en tout cas que ce n'est pas très chrétien de faire de la déco à poil. Donc lui, il y avait une pomme de terre dans le pèteux et c'est un accident. Il est tombé assis sur la pomme de terre. C'est normal, à toutes les fois que tu tombes assis sur quelque chose, ça te rentre dans le cul. C'est normal. Ouf, hein? Ici, un overdose du pénis. C'est un type de 34 ans à New York qui a eu une idée de génie, s'injecter de la cocaïne dans le sexe pour assurer comme une bête. Manifestement, ça a marché. Au bout de 3 jours d'érection ultra douloureuse, le mec s'est décidé à consulter un médecin. L'histoire finit mal puisque le membre en question, après cette période d'activité intense, a dû être amputé. Oui, vous avez bien lu. Amputé. Hein? La crampe du Kama Sutra, c'est des gens qui restent bloqués dans l'effort. Hein? Les pompiers en trouvent tous les ans et leur jettent des seaux d'eau. Ce qui est arrivé à ce couple de quinquagénaires russes est différent et c'est en fait une contracture musculaire qui a scellé le couple dans la position périlleuse, dans une des positions périlleuses du Kama Sutra. L'Indrani, livre que monsieur venait d'offrir à madame, pensez-vous à vous échauffer un peu avant de pratiquer de l'exercice du genre. Hein? On dit qu'il faut toujours s'étirer avant de passer à l'action. Sinon, les lèvres en feu. C'est une jeune femme qui est arrivée aux urgences à petits pas et le personnel médical a eu un temps pensé qu'elle avait fait du cheval sans selle. Il n'en était rien. Elle subissait en fait les conséquences d'une attention tout en langue de son compagnon, amateur de sauces piquantes et épicées. Donc, c'était le cunnilingus après la bouffe mexicaine. On peut comprendre, hein. Des fois, moi, je cuisine, là, puis tu fais juste te toucher un peu, toucher des piments, puis là, tu te frottes la face, puis là, les yeux te braillent, puis tu capotes. La petite mort de la jambe, OK? On va en apprendre plus. Moi, des fois, le titre me fait OK. La petite mort de la jambe. Faire des cochonneries dans un cimetière, c'est prendre le risque d'une malédiction. Et cette habitante du New Jersey de 39 ans doit désormais être persuadée d'être persécutée par les revenants. Alors que le couple s'ébattait sur une tombe d'un parent, la stèle s'est affaissée et la jeune femme y a laissé une jambe et a été contrainte d'attendre les urgences dans cette fâcheuse posture. Gênant un petit peu, hein? En plus, sur la tombe à grand-maman, ça paraît pas bien. La morsure de l'aube, c'est un homme d'affaires singapourien bénéficiant tranquille d'une petite gâterie sur un parking de la part de sa secrétaire. Eh bien, un conducteur maladroit percute leur véhicule. Et le malheureux s'y est laissé une part de lui-même. Ironie de l'histoire, la scène a été filmée par un détective privé embauché par son épouse qui se doutait que quelque chose se tramait. Eh bien, là, il n'y a plus rien qui se trame. Aïe aïe, hein? Donc, la femme, ça a coupé la patente, hein?

Buzz. Le remix et OTS est complètement différent. Celle-là, c'est la version originale. Sauce savoureuse, oui, je dirais. Mais on se disait hors d'onde que c'était vraiment bon. Ben, en fait, je te disais ça puisque tu connaissais ça. J'étais d'accord, ouais. T'étais pas mal d'accord. Ben, waouh, que c'est bon. C'est écœurant et comme Maxime dirait, c'est de la bonne musique pour étudier. Oui. Moi, je trouve que c'est de la très bonne musique de fond. Le groupe s'appelle Impactist. C'est la pièce LNG sur l'album Hello Neighbor qui est sorti en janvier 2010. Ils ont quelques autres albums. Si vous allez sur leur site impactist.com, ils font plusieurs chansons. Dans le fond, la raison que je l'ai fait jouer, comme j'ai dit tantôt, c'était la chanson thème remaniée de Attack on the Show. Ils font d'autres affaires aussi pour, entre autres, MTV, Cartoon Network. Ils font de la musique de pub. Donc, ils font plein de choses comme ça. Mais en tant que musique, là, ça s'achète et ça s'écoute très, très bien. Wow! Génial. Impactist. Et voilà pour Tu manges mon cœur. Excellent. Ah, mon cœur est content. Oui, moi aussi. Je suis un peu rassasié. Tant mieux, tant mieux. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Mais tiens, on va se faire le top 10 des petites infos sur le vin pour se la péter en société. Hein, pourquoi pas? Donc, on y va avec ce top. Saviez-vous que le raisin est le fruit le plus cultivé du monde? En première position, c'est ça. Et donc, les deux principaux spécimens sont le Vitis vinifera et le Vitis labrusca. Hein? Ça vous en coupe, hein? Donc, deuxième fait pour se la péter sur le vin. Saviez-vous qu'une bouteille de vin nécessite environ 600 raisins? Donc, un verre de vin nous assure donc une bonne partie des apports journaliers en fruits et légumes. Enfin, peut-être, hein? Mais bon, c'est bon. Moi, je trouve que c'est ma portion de fruits et légumes, hein? On peut pas le nier. On apprend aussi qu'il existe plus de 10 000 variétés de raisins sur notre belle planète. Là, il disait, là, la petite phrase, c'est quoi? S'ils arriveraient à s'entendre, ils pourraient sans mal envahir le monde. Très bonne. On apprend aussi, pour vous la péter, vous pouvez dire que plus le vin blanc vieillit, plus il s'assombrit. Le vin rouge, lui, a une réaction inverse. L'ivrogne rougira un peu plus à mesure qu'il boira l'un ou l'autre, par contre. Eh bien oui. Mais c'est spécial. Le vin rouge, lui, il pâlit avec le temps. Le vin blanc s'assombrit. En cinquième position des faits à savoir sur le vin et pour se la péter en société, eh bien, c'est que la bouteille la plus chère du monde, eh bien, est un Bordeaux du château d'Yquem de 1811. C'est une bouteille de vin blanc qui a été échangée contre un modeste chèque de 85 000 euros. Alors, avec 85 000 euros, on peut obtenir la bouteille la plus chère du monde. C'est bon à savoir, hein, pour les millionnaires qui veulent se la péter. Mais quand même, pour 750 millilitres de liquide, c'est assez cher. Sinon, un autre fait pour se la péter sur le vin, c'est bien, il n'est pas nécessaire d'acheter une bouteille très chère pour l'apprécier. Il y a des bons vins à presque tous les prix. Et c'est d'abord un vin qui correspond à votre goût. Hein. Un bon vin, c'est d'abord ce que vous autres vous aimez. Comme un de mes amis me disait toujours, le bon vin, c'est celui qu'on boit. Hein, c'est celui de disponible dans notre coupe. Faut pas nécessairement toujours rechercher plus. Et vous n'avez pas nécessairement des goûts de luxe. Ça se peut que vos goûts soient pas des goûts de luxe et que vous vous contentiez de peu. Et ça veut pas dire que vous êtes une personne moins importante ou moins avec moins de goût. Vous avez seulement moins des goûts de luxe. Mais donc, on nous dit que c'est certain que boire du vin de dépanneur à 10$, peut-être que ça va vous finir par vous faire des trous dans le ventre, mais au moins, vous saurez pourquoi et ça vous aura pas coûté cher. Hein? C'est ce que je pourrais dire. Il n'est pas nécessaire non plus d'acheter une bouteille... plusieurs éléments entrent en compte dans la qualité d'un vin. Il y a entre autres la terre, l'inclinaison de la parcelle, l'ensoleillement, la variété de raisins et bien sûr le savoir-faire. Si un enfant s'amuse à mettre en bouteille un vin à base de raisins secs cultivés dans la boîte, eh bien, en théorie, il sera sûrement mauvais. Hein? Mais en théorie, on ne sait pas. On va peut-être avoir une révélation. Dans la huitième position des faits à savoir sur le vin, c'est qu'on peut faire des vins blancs avec des cépages de vin rouge, mais pas à l'inverse. Le jus de raisin est d'abord toujours blanc. C'est ensuite la peau du raisin qui va colorer le nectar en fermentation. Hein? Alors, c'est comme ça. Eh oui, je le savais déjà, mais vous le saviez? Donc, un vieux vin n'est pas forcément un bon vin. Hein? Comme Tata Josette, ma tante Josette, qu'on pourrait dire, on voit que l'article est français. Eh bien, certains vins, la plupart, dit-on maintenant, vieillissent mal. Ils sont donc faits pour être bu assez rapidement, c'est-à-dire quelques années maximum après leur mise en bouteille. C'est le moment de faire le tri dans votre cave avant de vous retrouver avec de jolies bouteilles de vinaigre. Par contre, c'est ça ce qu'on s'en allait dire. Là. Les vins, quand on dit ne pas les faire vieillir, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu le boives dans le mois après qu'il a été produit. On s'entend que 2-3 ans pour à peu près... La plupart des vrais vins, là, 2-3 ans, vous allez voir une amélioration et une rondeur qui va se développer dans votre vin. Moi, je vous invite à le faire. Vous allez voir, waouh! Et un dixième des faits pour se la péter en société sur le vin, c'est qu'il faut boire avec modération parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Peut-être que certains n'étaient pas au courant si vous n'aviez pas la télé ni Internet et que vous ne lisez pas les magazines. Eh bien oui, cette phrase s'applique aussi pour la sortie du Beaujolais et les soirées où on boit le Bordeaux dans des verres en plastique. On nous dit que c'est toujours bon de finir un top avec un truc un peu chiant. Verre d'eau, n'oubliez pas de boire de l'eau quand vous buvez du vin. En plus, ça va être... vous allez avoir le goût d'en boire moins en quantité et puis ça va vous nettoyer le côté astringent, le côté un peu sec du vin. Sinon, ici, tiens, tant qu'à être dans les tops, on va s'en faire un et un autre top ici qui est très, très français. C'est le top 10 des raisons pour ne pas être végétarien. Hein? Après avoir bu du vin, il faut savoir manger aussi. Premièrement, la première raison, et puis il n'y a pas d'autre explication, parce que le foie gras. Hein? Le foie gras. C'est-tu une raison pour ne pas être végétarien, ça? Tout à fait. Hein? On pourrait presque s'arrêter là, le top serait complet. Sinon, parce que dans l'échelle de l'évolution, il y a en haut le moustique, la loutre, Éric Besson, le facochère, le bœuf, le cheval et ainsi l'homme. Donc, en tenant compte de cette classification un poil subjective, on ne voit pas pourquoi une espèce de rang supérieur ne pourrait pas faire son casse-croûte d'une espèce de rang inférieur. Hein? Une petite pensée pour le facochère, ce cochon. Hein? Tout est bon dans le cochon, c'est ce qu'on disait. On peut même en faire du bœuf en Chine avec du cochon. Parce qu'il y a même des bêtes qui nous boufferaient si on ne les boufferait pas. Le guépard, le lion, sûrement pas le bœuf. Hein? Comment ça, là, justement, on se pose la question, comment ça qu'on ne mange pas de guépard ou de lion? Hein? Et pourquoi que le bœuf est herbivore? Donc, on mange des herbivores. C'est peut-être meilleur pour le goût. Je pense que c'est ça. Et là, après nous, on veut être carnivore. Peut-être qu'il y a de quoi qui... Oh! Faut tout devenir végétarien. Donc, si on ne mange plus de viande, on verra s'évanouir au moins la moitié de notre culture culinaire. Le sandwich jambon-beurre deviendra le sandwich beurre. Le steak frite deviendra la frite. Et avec quoi on va farcir les tomates? Hein? Et avec quoi le carbonara et de la tagliatelle? On ne peut pas faire une carbonara, pas de carbonara, hein, pas de bacon. Sinon, parce que si on arrête tous de consommer de la viande, les hommes vont voir disparaître une des seules tâches ménagères dont ils ont le monopole, le barbecue. Hein? C'est clair qu'on n'arrêtera pas de manger de la viande. Sauf que je dois avouer que sur le barbecue, des légumes frits, c'est très, très bon. La fameuse papillote hein, qui a été déclarée nourriture de l'année 2009, je pense, par moi et mes amis. C'était le plat de l'année, la papillote. Et donc, c'est sûr que c'est bon. Mais qu'est-ce qui est de mieux sur le barbecue qu'une bonne pièce de viande? Sinon, sixième raison donc de ne pas être végétarien, c'est parce que la nature a toujours raison. Elle nous a pourvu de canines pour déchirer, déchiqueter, dépecer, manger, croquer de la viande. Bref, pour être un prédateur, surtout devant une entrecôte sanguinolente et sans défense. Hein? Septième raison pour ne pas être végétarien, c'est parce que cela nous privera des débats passionnants sur les McDo halal et autres halalisations de la viande. Hein? Donc, les interventions pleines de bon sens de Brigitte Bardot là, sur les moutons égorgés dans des baignoires ou contre les fuck burgers, là, on ne pourra plus en avoir si on ne mange plus de viande. Hein? Je ne sais pas ça, c'est trop une référence française. Et aussi, une dernière raison de ne pas être végétarien, c'est parce que de toute façon, il y aura bientôt plus de thon rouge. Hein? On va quand même pas laisser ces derniers thons rouges aux Japonais. Et surtout pas aux Chinois, hein? Parce que les Chinois, avec ce qu'ils font avec leur bouffe, ils vont le gâcher. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30

On y retrouve la touche typique de Marie-Josée, transfert sur métal, acier forgé, greffe d'éléments naturels. Depuis 20 ans, le métal exerce toujours aussi fortement sur elle son pouvoir d'attraction. Peinture sur métal qui allie la photographie, l'encre sur l'huile, la gravure, aussi les sculptures métalliques forgées, soudées, coulées. Je cite son site Internet, mon cher Danny. Marie-Josée ressent le métal comme s'il était devenu une partie de son corps, une seconde peau, une armure, le murmure d'une armure. Marie-Josée a à son actif des expositions au Canada, en Europe, en Australie et aux États-Unis. Marie-Josée Roy, bonjour. Salut. magnifique exposition à la Galerie Suite 60 que j'ai vue. Merci. Et ça a été très plaisant. Il y avait beaucoup de monde. Sais-tu combien de personnes qu'il y avait? Non, c'est un petit peu dur à voir parce que j'étais tellement dans le jus. L'exposition commençait à 5 heures, puis j'étais arrivée à 4 heures, puis il y avait déjà du monde. Puis ça n'a pas relâché jusqu'à 8 heures, fait que j'étais trop dans le bain, là. Ça n'arrêtait pas un après l'autre, tout le temps. La majorité des œuvres de l'exposition a été réalisée en 2013. Oui. Dont la majorité spécialement pour l'occasion. Oui, absolument. Ce qui m'amène à ma première question, c'est quoi pour toi la différence entre une exposition ici à Trois-Rivières puis ailleurs dans le monde? Je te dirais que c'est... Pour moi, là, le vernissage qu'il y a eu samedi passé, ça a été le plus beau que moi j'ai vécu personnellement. Parce que, bon, quand je fais une exposition, le dernier que j'avais eu avant, c'était à Toronto. Bon, je me suis déplacée là, j'ai passé presque une semaine à Toronto, mais rendu au vernissage avec, bon, 2-3 amis qui étaient de Toronto que je connaissais, là, mais il y avait toutes les personnes qui étaient là, c'était juste des clients. Il y avait peut-être 200, 250 personnes que je ne connaissais pas, qui parlaient en anglais. Et puis, donc, c'est ça, quand j'ai fait l'exposition ici, le vernissage, écoute, je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de monde que ça, c'est certain. Je savais qu'il allait avoir du monde, parce que, bon, mes amis, ma famille, les gens qui me connaissent puis qui me suivent un peu ici à Trois-Rivières, mais c'est toute une autre ambiance. Tu sais, il y a tout ce côté d'être chez soi, là, qui était vraiment agréable. Puis moins stress. Ben, non, c'était stressant, là, mais c'est un autre genre de stress. Ben, on te sentait assez relax quand même. J'étais pas pire. Hein? Oui, t'étais bon. Franchement, là. Ben non, mais c'est plus le fun quand t'es chez vous. Ben oui. T'as ta gang, là, qui est là. Oui, pis, oui. T'sais. Ouais, c'est ça. Il y a comme toute une dimension, pas d'amour filial, là, mais tu sais, de racines qui est là. Là. Mm-hmm. C'est comme. C'est d'ailleurs, vraiment. D'ailleurs, une belle les énergie. Racines sont même un élément souvent de tes sculptures. Oui. J'en avais une encore. Bon. Et d'ailleurs, on en vient au thème de l'exposition. Nous, pourquoi avoir choisi ce titre-là, ce thème-là? Ben, c'est nous avec un accent circonflexe sur le U. Ce qui veut dire, en fait, la plus pure partie de l'âme, la plus haute partie de l'âme. Et puis, c'est le fait que j'ai exposé ici à Trois-Rivières qui m'a amené à trouver ce titre-là. Parce que pour moi, j'ai tout orienté l'exposition, le sujet et tout ce que j'avais à dire en rapport au fait du... Tu sais, au départ, je voulais nommer l'exposition « Home Sweet Home », mais je ne suis pas très forte sur ces anglicismes. Mais c'est un peu dans l'esprit de ça, puis j'ai réfléchi là-dessus et tout, j'ai cherché un peu des... Puis je trouvais que nous, la plus haute partie de l'âme, qui est très, très, très d'à propos en rapport à tout ce que... Mon langage plastique, là, qui est une manière très profonde et féminine de dire... je dirais pas pathétique, là, mais bon. Féminine de dire être bien à l'intérieur de soi, tu comprends-tu? Mm-hmm. Fait que tout ça, ça a été un bel ensemble de l'œuvre. Le « nous », le fait que j'expose à Trois-Rivières, tout ce que j'ai pensé à travers tout ça dans l'exposition, dans Est-ce que c'est pour ça que le thème de la maison, c'est ce qui est un thème nouveau, je crois, pour toi, est apparu? C'est cet esprit-là? Oui, c'est carrément ça. Parce qu'il y avait aussi l'arche aussi qui était présente. Oui, plus au niveau de la traversée, au niveau, parce que c'est ça, durant tout le long que j'ai fait l'exposition, j'ai travaillé mes pièces, j'ai beaucoup observé les gens que je côtoie, ma famille et tout. Tu sais, il y a des gens qui habitent beaucoup leur maison, tu sais, qui ne sortent pas beaucoup. Leur caverne. Leur caverne. Et il y en a qui, comme moi, pas du tout. Moi, c'est pas... Pourtant, je suis bien, bien maternelle. Puis moi, il faut que je mange avec mes enfants le soir. Mais pas tout le temps. Tu comprends-tu? J'ai comme... Je suis tout le temps partie à l'aventure. L'énergie, je la mets pas juste là, à l'intérieur de la maison. Je la mets... Je suis tout le temps en mouvement. Mais ton atelier, okay. C'est une question qui me vient en tête. Ton ouais. atelier, est-ce qu'elle est à ta maison quand, ou, qui est plus à la campagne ou tu vas toujours à la forge ben, j'ai travailler? Deux ateliers. Ouais, c'est ça. L'atelier, la forge à l'île Saint-Quentin, c'est mon atelier de sculpture, puis je me suis fait un atelier de peinture à la maison. OK. Je peux pas mettre les deux ateliers en même place, il y a beaucoup trop de poussière. D'ailleurs, toutes les peintures, parce que tu t'es servi aussi du blanc et du jaune. Oui, ma couleur principale, c'est le blanc. Là. J'ai une peinture jaune, ben, deux, trois petites peintures avec un peu de jaune. Et c'était quoi l'émotion que tu voulais dégager par ces... taches de couleur. Oui, c'est ça. C'est impressionnant, Danny. T'as pas vu l'exposition? Non, c'est ça. C'est pour ça que je vous parlais. Puis là, je sais pas quelle grandeur ont les deux qui sont collés avec des grandes taches de blanc là, sur le mur... à gauche. Oui, c'est ça. Quelle grandeur, ça, là? C'est toi, là? Ça a peut-être 6 pieds par 4 pieds, puis 6 pieds par 3 pieds. La tâche de blanc là, prend, je dirais, pas loin de 3/4, 2/3 de l'œuvre. Là. C'est impressionnant. Oui, puis la première aussi à droite en rentrant, là, elle mesure 7 pieds par 5 pieds fait à peu près. Quel feeling tu voulais donner? C'était quoi ton idée de base pour laisser sortir ça? Ben, je te dirais que depuis 2 ans, je travaille beaucoup. Mon travail a quand même fait un bond, je te dirais. Et j'ai commencé à travailler beaucoup le blanc. Et le jaune. Je suis dans ma période blanche et jaune. Puis le blanc me fait tellement de bien, justement, parce que c'est très lumineux. Puis je trouve que c'est une lumière. Moi, je travaille beaucoup je peins sur aluminium. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas mon travail. Dire, là, c'est ça, parce que les toiles sont en métal, finalement. Oui, c'est ça. Je ne peins pas sur un canevas. Je peins sur une plaque d'aluminium. Parce que moi, j'aime beaucoup, je travaille depuis toujours avec l'aluminium et j'aime la lumière que ça donne. Et depuis des années, je travaillais avec la peinture noire, du transfert de photos en noir dessus. Donc, c'est noir et gris et lumineux. Mmh. Mais là, avec du blanc dedans, moi, ça me fait un bien profond. c'est une autre sorte de lumière. Et puis, je trouve que ça a une belle symbolique et qu'elle est tout à fait bien avec nous, la plus haute partie de l'âme, la plus pure partie de l'âme et tout. Et puis, de toute façon, j'y pense même pas. Là, ça sort tout seul. J'ai besoin de blanc. C'est dans mes tableaux. Si je me trompe pas, il y avait aussi quelques références animales qui semble nouveau dans ton travail. Oui. Est-ce que tu as l'intention de développer ça dans les années qui s'en viennent? Je ne sais pas combien de temps que ça va durer. J'ai tout le temps des périodes. J'ai eu ma période branche, j'ai eu ma période tube, j'ai eu ma période main. J'ai ma période animale, je te dirais. Je travaille... un soir, j'étais toute seule avec ma chienne, puis je la trouvais bien belle, puis je disais que je l'aimais, puis je voulais pas qu'elle meure, parce qu'elle commence à vieillir. Je l'avais imaginée, si tu meurs, je t'empaille. Et puis je l'ai imaginée avec des pattes de métal, puis en tout cas, j'en avais fini à la fin de la soirée avec une belle sculpture, puis j'ai trouvé que c'était vraiment une excellente idée. Puis pas longtemps après, j'ai fait une recherche pour trouver des animaux empaillés. Et puis j'ai commencé à faire des tests d'assemblage avec des parties d'animaux empaillés avec mon travail d'acier forgé et mon travail de... Parce que là, récemment... Ça, c'est en sculpture, ça? Oui, okay, oui, sculpture. Okay. Ah, c'est bien long, brillant. Ça pourrait être pas pire en peinture aussi. Avec tes hôtes. À suivre. Une nouvelle période. Tu viens de déclencher une nouvelle période. Ben, c'est mon but sur la Terre. Ça va inspirer le monde. Okay, voilà. Puis ça, cette série-là, c'est plus pour représenter un peu plus l'instinct. Je trouve que nous autres, en tant qu'humains, on est de plus en plus, avec toute la technologie, je trouve qu'on est de plus en plus coupés de tout ce qui est nature, de tout ce qui est, de toute cette force-là qu'on avait naturellement à l'époque, puis que là, on n'a plus là, cette espèce d'instinct de survie. Ton chien, parce que t'as répondu, là, mais à part le chien, c'est qu'est-ce qui t'intéresse côté animal en ce moment, là, ou animalier? Parce que j'ai pas vu l'expo, ouais. Mais on me dit que là, c'est ta chienne. Es-tu dans l'expo, cette... Non, elle n'est pas morte. Ma chienne n'est pas morte. Je parle de ton œuvre Ben, j'ai deux œuvres avec... Finalement. Ben, moi, j'ai quand même commencé une série d'œuvres. Là, il y en a deux présentement à la galerie sur 60 à Trois-Rivières. Il y en a deux. Et c'est des chiens, les deux? Ou... Non, okay, pas du tout. Ça, là, mon trip, c'est oiseau. Ça, je veux savoir, là. C'est oiseau. Quel animal? Il y en a une qui a une tête d'oiseau, puis l'autre, c'est un corps de type. Le petit oiseau. Le petit oiseau. C'est quelle grosseur comme œuvre, ça? Ben, je te dis, il y en a une qui est assise avec une grande tête de héron. OK. Puis elle est quand même assez grande. Ben, grande, j'ai 4-5 pieds, là. OK. Une fois assise. Puis l'autre est tout, ben, plus petite, là. C'est un petit personnage avec en bronze une tête, puis les jambes en bronze, tout accroupi, puis le corps est c'est un corps d'oiseau. OK. Il y a un côté de ton travail qui se fait en association avec Jérôme Prieur. Oui. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Quel effet que ça a sur ton travail? Quelle énergie ça te donne de travailler avec quelqu'un d'autre à certains moments donnés? Est-ce qu'on peut le présenter? C'est qui avant? Ben, pour les gens qui savent. Ben, oui, c'est beau. Je m'en allais le faire. Excuse-moi, désolé. Non, c'est parfait. Jérôme Prieur, c'est un ami que je connais depuis 20 ans. On est chacun artiste, chacun de notre bord depuis une vingtaine d'années. Et je connais le travail de Jérôme qui est hyper... C'est un fou, là. Jérôme, là, il est très méticuleux. C'est ça. Il travaille tout le temps avec un crayon point 5. Il vient visualiser qu'est-ce qu'il fait dans tes trucs. Oui, ouais, c'est ça. Il fait la gravure. Puis, ben lui, son travail au départ, c'est avec un crayon .005. Puis, il travaille vraiment très, très, très méticuleux, très, très fiorituré et tout et tout. Et il y a un univers assez particulier aussi dans ses œuvres. Et tellement différent de moi, d'ailleurs, que j'aurais jamais pensé une collaboration comme ça. Puis, à un moment donné, j'ai fait une exposition au siège social du Cirque du Soleil. Puis, j'avais une espèce de toile avec un grand personnage, avec des ailes de papillon, puis un personnage dans le milieu. Puis là, je voulais le rendre vraiment très travaillé. Puis là, je commence à vouloir travailler les ailes. Puis, mon Dieu, pourquoi je ne suis pas patiente comme Jérôme? Puis là, appelle-le, demande-y s'il a le goût de collaborer avec toi. Puis, évidemment, il a dit oui. Et puis, là, j'ai pensé à ça, puis j'ai dit, au lieu de le faire en crayon, je vais lui donner un burin électrique pour graver dans mon aluminium, parce que l'aluminium, c'est mou, c'est tendre, ça se fait bien, tu sais. Fait que je disais, ça pourrait être vraiment le fun. On pourrait faire un test, en tout cas. Et ça a été, écoute, quand on a fini la toile, qui mesurait à peu près 6 pieds par 5 pieds, à peu près, excusez-moi. On s'était assis, moi puis Jérôme, ça fait des années qu'on se connaît, là, puis on se regardait. Pendant une demi-heure, on n'en revenait pas, on savait plus quoi dire, ça n'a pas de bon sens, c'est la première, mais c'est pas la dernière. Est-ce qu'il y avait des œuvres qui n'étaient que de lui à l'exposition? Non. Ou c'était tout ça en collaboration? Oui, on a fait une exposition à un moment donné, je pense que c'était à Los Angeles, puis il y avait deux ses œuvres à lui. C'est ce que je m'en ai dit, l'expo que j'avais vu chez vous, tu avais fait un genre de vernissage chez vous, oui. Directement, c'était avec. C'était là, exactement. C'est ça, j'étais là, moi je me rappelle, puis c'était vraiment extraordinaire. C'est là que j'avais vu justement quand j'ai dit. Découvrir son travail, la minutie, comme tu dis. Ouais. Ça fait de la dentelle de métal. Vraiment. C'est de toute beauté. Puis en plus, vu que c'est gravé dans l'aluminium, quand tu te promènes puis que la lumière ça accroche, change. C'est ça. Des fois, tu le vois presque pas. Puis maintenant, tu te reviens un petit peu, puis là, pouf, là, tu vois juste son travail. C'est très lumineux, c'est de toute beauté. Alors, il travaille vraiment bien, Jérôme. Puis c'est ça, c'est vraiment le fun de voir. Tu sais, moi, je fais ma peinture est finie quand j'y donne à lui. Puis là, c'est sûr qu'on jase un peu de qu'est-ce que lui a le goût, qu'est-ce que moi je vois et tout. Puis ensuite, ben là, il travaille. Puis là, c'est une toute autre œuvre après. C'est lui qui décide des motifs des. Ah oui, celui-là, ah, j'ai. Oui. Tu le laisses aller. Toi, tu lui donnes une structure, comme une colonne vertébrale. Oui, puis c'est drôle parce que, tu sais, habituellement, bon, il y a certaines personnes qui font de la collaboration, ça, des artistes, là, mais ils travaillent en même temps sur le même tableau, tandis que nous autres, moi puis Jérôme, c'est pas la même chose. C'est moi, je commence, puis lui, il vient, il travaille par-dessus mon travail. C'est sa matrice. Fait que, ben, Il finalise, oui. Ouais. Parlant justement d'association, t'en as vécu une autre dans la dernière année, avec Guy Pelletier, des Pelleteurs de nuages, puis Pierre Bondoc. Oui. Vous avez fait un film sur ton travail. Exactement. Moi, j'ai eu le plaisir de le voir. C'était au Ciné Campus. C'est un film magnifique. D'ailleurs, je lisais dans la description que tu avais participé à l'écriture. Oui. Que tu avais participé à la direction artistique. Quel a été ton travail dans ce film-là? Comment vous avez pu faire pour, à trois, réussir à sortir ce film-là qui... est une belle représentation, je trouve, de ce qu'un artiste, de tout le cheminement artistique. Puis il y avait un détail qui était intéressant. Marie-Josée avait des pensées. Elle ne les disait pas, ils étaient inscrits. Ouais, c'est un film muet. Oui, puis on suivait bien le processus. J'ai pas été perdu une seconde dans le processus. Fait que, comment ça s'est passé, comment vous avez... Ben, ta collaboration. Oui, c'est ça, la collaboration dans l'ensemble. Ben, je te dirais qu'au départ, on a construit le film de la même manière que moi, je construis une sculpture. Donc, il n'y avait pas de barème défini. Ben, le premier jour, Pierre est arrivé avec un papier avec toutes les scènes de dessinées, puis avec... un storyboard. Oui, c'est ça. Je ne me souviens plus du terme. Ça fait un storyboard. Puis là, j'ai vu ça, puis je suis partie à rire. Parce que moi, je fonctionne tellement pas de même. Là, c'était je comme, te comprends. J'ai vraiment ri de Pierre. Il est tellement drôle, ce gars-là. En plus, ça n'a même pas de bon sens. Et puis, c'est ça. Je pense que ma collaboration avec eux autres ont fait changer toute la façon de faire le film. Parce que, premièrement, bon, je les ai quand même fait faire une sculpture au départ pour qu'ils sachent un peu toutes les étapes. Je les ai vraiment fait travailler la matière et tout. Mais on s'est laissé surprendre par tout ce qui arrivait d'imprévu puis des idées qu'on avait en faisant la sculpture et tout. Puis moi, ben au départ, j'étais juste posée d'être juste figurante, évidemment, là, parce que c'est un film sur mon travail de sculpture. C'était toi juste le sujet à la base, là? Non, non, non. Puis c'était pas une histoire par rapport, là. C'est sur mon travail. Mm-hmm, c'est ça. Puis je suis bien trop curieuse. ça n'a pas de bon sens. Puis je voulais vraiment faire partie de toutes les étapes. Puis je suis même montée à Montréal pour l'éclairage ou retravailler l'image. L'étalonnage. L'étalonnage. Ça. Pour les textes, c'est moi qui les ai écrits. Mais au départ, j'avais quand même fait affaire avec quelqu'un pour trouver des textes. Mais je trouvais que la meilleure personne pour parler de mon travail, c'était moi. Là, ouais. Surtout que là, c'était tellement résumé. Tu as ça en 5-6 phrases. Là, toute la démarche de ma carrière, de mon travail sculptural. Fait que c'est ça, je l'ai écrit malgré le fait que je ne suis pas l'écrivaine du siècle, là, mais je me suis quand même beaucoup amusée avec des petites phrases bien punchées. Là. Donc, c'est toi qui as écrit les phrases. C'est moi qui ai écrit les phrases. Les phrases qu'on a vues. Ça a été vraiment une belle expérience, franchement. Ouais. Là. En tout cas, c'est un film qui mérite vraiment d'être vu parce que on voit peu souvent l'artiste dans son atelier. Ouais. On voit souvent son travail. On est à l'expo. On est on voit les résultats. Ben, c'est ça. On ne voit pas d'autre chose. Et les gens pensent que ça se fait comme si c'était facile. c'est le fun, en tout cas. Ouais. En terminant, Marie-Josée, est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent? Pas endormir tout le temps, parce que là, c'est ça, avec l'exposition, ben, je me dis tout le temps, bon, après, je vais pouvoir dormir, mais non. Puis je l'oublie à chaque fois, là, la période qui vient après un vernissage comme ça, c'est de faire les choses que j'ai pas eu le temps avant. Okay. Est-ce que l'expo va tourner? Ou... Écoute, moi, puis je pense que ça a été réextensionné. C'est plus jusqu'au 10 novembre, ça va être jusqu'au 17. Bon. Parce qu'il va y avoir une exposition de petits formats pour Noël à la galerie, des petits, des mini-formats, là. Donc, je vais faire d'autres petits projets pour le mois de décembre. Qui va être encore avec... C'est toi qui vas présenter encore, là, pas juste moi, okay. les artistes, tous les artistes de la galerie vont présenter ça. Fait que, tu sais, au lieu d'enlever mon stock pour une semaine, remettre tout ça, puis tout réenlever ça, mm-hmm. On va juste extensionner mon exposition, puis ensuite, on va tomber tout de suite à l'exposition des petits formats. Et puis, pour l'année prochaine, ben c'est prendre du temps pour réorienter un peu les galeries, puis prendre du temps aussi pour remplir les galeries qui me représentent un peu partout, là, fait que... Plus relax. Côté plate, mettons, pour ceux qui ne connaissent pas la galerie, le côté adresse, etc., tu peux-tu redonner ça? 60 rue des Forges, pas loin du fleuve, là. Parfait. À Trois-Rivières. C'est la galerie suite 60. Excellent. Belle petite place qu'on peut prendre un petit verre aussi, voilà. D'accord. Donc, jusqu'au 17 novembre. Exactement. Marie-Josée Roy, manquez pas ça. Marie-Josée, merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Marie. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Assemblage requis. Voici son foutu palmarès. Je m'en vais. C'est Son Foutu Palmarès, la chronique où on vous présente une liste de quelque chose. Oui. Pas compliqué, là. C'est simple. Ouais. Et aujourd'hui, on parle de collation de snack food. Ouh! On parle de snack food qui, dans le fond, qu'on mange aujourd'hui comme collation, mais qui, à l'origine, était vendu comme, comme un remède ou un médicament, quelque chose comme ça. Un remède de grand-mère. Exactement. Commençons par le Coca-Cola. Tu sais sûrement que le Coca-Cola, ben, au début, c'était supposé être une boisson santé créée par John Pemberton. C'était vendu à 5 cents dans les fontaines de soda, donc de boissons gazeuses, ce qui est environ l'équivalent d'un dollar aujourd'hui, 5 cents dans ce temps-là. Les gens pensaient que les boissons avec des bulles dedans, ça allait aider pour leur santé. Et la compagnie de Pemberton vendait aussi ce qu'il appelait Pemberton's Indian Queen Hair Dye et Globe Flower Cough Syrup, donc du sirop pour la toux et du colorant à cheveux. Wow! Donc, c'était, tu pouvais faire ta toilette directement. Coca-Cola. Ben, tu sais, les bulles dans les boissons, ça fait pas tant de pas de sens. Parce que, tu sais, quand t'as trop mangé, là, tu mets comme la pastille qui fait faire des bulles. Du Alka-Seltzer. Ouais. Oui, c'est ça. Tu mets ça dans ton eau, puis ça fait de l'effervescence. Ouais, puis là, tu bois ça, puis là, ça fait. On aime ça faire ça, en plus. Ouais. Quand tu bois de l'alka, c'est une des raisons. Stéphanie Paradis pourrait faire une chronique, les petits bonheurs de boire de l'alka. De boire de l'alka. Le number one serait à burp. À burp. À burp. Ensuite, les petits craquelins Graham. Ah. Ça a été inventé en 1829 par le révérend Sylvester Graham qui trouvait que la nourriture, genre qui n'avait pas de goût, c'était la prescription parfaite pour ceux qui avaient tendance à abuser un peu des bonnes choses. T'sais. Donc, des craquelins secs, ça allait t'emmerder, ça allait t'enlever ton appétit complètement d'un coup sec. Wow! Ouais. Et on en a toujours aujourd'hui. C'est ça. Et si je remarque, si je lis entre les lignes du paragraphe, ça dit aussi genre ceux qui ont tendance à abuser des bonnes choses, genre de s'auto-abuser. Donc, ils disent que ça pouvait aussi enlever ton appétit sexuel d'avoir une nourriture qui n'avait pas de goût. Ah bon? Mais là, je lis entre les lignes, mais ça ressemble aussi à ça. Même chose pour les cornflakes. On avait déjà parlé de ça dans C'est un fait, mais Will Keith Kellogg cherchait quelque chose pour améliorer la diète des patients à l'hôpital. Il a décidé que les cornflakes étaient un très bon substitut de pain qui aidait la digestion. Mais on avait aussi dit, et là, c'est pas écrit dans l'article, mais que ça avait été inventé, entre autres, pour empêcher la masturbation. Donc, un peu comme les biscuits graves. Quelque chose de fade et plat. Ce l'est. Ah. Ça, on peut pas dire le contraire. Chez ma grand-mère, c'était des cornflakes, puis je mettais une trolley de sucre. Oui! Ça faisait des Frosty Flakes. Frosty Flakes, exactement. ensuite, on passe aux Fig Newtons. Est-ce que tu aimes les Fig Newtons? C'est un de mes biscuits préférés. Là. C'est des petits biscuits genre mou, brun, sablé. Puis à l'intérieur, il y a du mou aux figues. Figue, oui, c'est très bon. C'est génial. Donc, les figues... C'est bon pour la santé, ça, non? Je sais, oui, sûrement. Ça a l'air... C'est moins mauvais que d'autres choses. Et ça goûte le sucré parce que ça doit être du sucre naturel de fruits, de figues. Donc, c'est ça. On les présente aujourd'hui comme des gâteaux aux fruits. Mais en 1892, par contre, c'était des aides à la digestion. C'est des petits digestifs. Donc, les docteurs pensaient que les problèmes de digestion étaient à la racine de plusieurs autres maladies. Donc, on voyait beaucoup d'aides digestives à cette époque-là. Et puis, à l'origine, c'était des fig rolls à la place d'être des petites pâtisseries carrées qu'on connaît maintenant. C'était des roulés. Donc, c'était, j'imagine, des petits tubes roulés à la figue. Ensuite, si t'es déjà allé dans des magasins, dans la section produits santé bio des épiceries, t'as peut-être vu les Heath Bar et les Cliff Bar. Mm. C'est des bars avec un petit genre de grimpeur, un escaladeur dessus. Un escaladeur? Un escaladeur, oui. Personne qui fait de l'escalade, dans ce cas. Donc, les Heath Bar, à l'époque, ben, c'était, dans le fond, on aurait quasiment pu appeler ça des Health Bar, des bars de santé. Donc, c'était... des amandes, du beurre et du sucre de canne qui étaient supposés remonter genre le moral d'une personne. Genre, tu prenais ça pour te remettre en forme. Eat beurre for better health. C'était leur slogan pendant plusieurs années. Je suis en forme! Oui! Oui! Oui! Je suis prêt à affronter une montagne parce que je suis un escaladeur. Je suis un escaladeur. Dans mes escoulouteurs, ça c'est pour écouter de la musique. Oui. ensuite, le 7-Up. C'était une nourriture, un aliment santé, si on veut. Est-ce qu'on peut dire que c'est un aliment? Pas vraiment. On utilise encore une fois toujours cette mixture-là de 7-Up pour calmer notre estomac, tu sais, en le buvant flat. Souvent, les gens vont faire ça. Ah oh, oui, c'est vrai. Flat. Ou mettre ça dans le sapin de Noël. Tu sais, il y a comme toujours les recettes là, de sapin de Noël. Sapin de Noël, un 7-Up, hein? Oui, tu mets ça dans l'eau. Ah oui? Ouais. Ah, dans l'eau du sapin? Oui. Ah, tu veux dire le petit... J'ai jamais eu un vrai sapin de ma vie. Ah. Il y a juste dans les films américains qui ont ça. Donc, c'est un bon vieil arbre acheté à 20 piastres. À l'origine, le 7-Up, on appelait ça Bib Label Lithiated Lemon Lime Soda. Et ça wow. Comptait, oui, je sais. C'était catchy, hein? Ben oui, quand même, hein? Je bois Bib Label Lithiated Lemon Lime Soda. Et puis toi? Et puis toi, c'est une guerre. Donc, ça contenait du lithium citrate, citrate de lithium. Si on le traduit littéralement, c'est sûrement pas comme ça qu'on traduit en français. Mais donc, c'était supposé stabiliser ton humeur. Mood Stabilizing Drink. Donc, on dit que c'est une bonne cure pour le lendemain de veille. Et donc, ça a été lancé 2 semaines avant le Wall Street Crash de 1929. Donc, sûrement qu'il y avait besoin, justement, de cure pour un lendemain de veille. Et le lithium a été enlevé du produit en 1950. Lithium dans le 7-Up. On reste dans la liqueur, c'est le Dr Pepper qui a une histoire similaire, un peu comme le Coke et le 7-Up. C'était vendu comme un tonique pour le cerveau et un petit remontant. C'était disponible en pharmacie. Mium! Pour être, c'est la cure pour tout ce qui te dérangeait dans la vie. Je pense que c'est la seule liqueur que j'apprécie. Le 7-Up, le Dr Pepper. Dr Pepper. Pour vrai? Oui. J'aime toutes les sortes de liqueurs, dont celle-là. Je pourrais pas dire que c'est ma préférée. Non, moi, je bois jamais ça. T'es plus un gars à café. Oui, à café. Intense. Oui, intense. Et puis sinon, ben, c'est ça, des petits biscuits digestifs qu'on termine dans le palmarès, mais c'est des affaires qu'on connaît pas, c'est les McVitie's. Vous pouvez aussi en apprendre plus sur le Moxie, que je connais pas non plus, et les Goo Goo Clusters, juste Goo-goo. Le nom. Toujours dans son foutu palmarès, oui, la chronique de liste à Assemblage Ricky. Et tantôt de parler de collation, de snacks, c'est des affaires qu'on pourrait retrouver facilement dans une citrouille. Là. Oui, des graines. Certaines affaires qu'on a parlé, des petits biscuits, des petits... Gars, yeah, je mangeais des graines de citrouille. Ah oui, puis? C'est bon. Est-ce qu'il était salé? Oui. C'est bon salé. Miam, miam, miam, miam, miam. Des tartes à citrouille, c'est toujours bon. Oui. Il va faire du yogourt à citrouille. Ils sortent des affaires, là, mettons des lattés à citrouille, mais tu sais, pourquoi un yogourt? Ça pourrait s'appeler de la... Ah! Oh. Là, j'ai raté mon gag. J'essayais de faire silhouette, citrouille. OK. Une citrouette. Ah non. Non, ça marche pas tout. Non, laissons faire. Faisons le top des sports qui ont rapport avec les citrouilles. Oui, OK. Tu sais, tant qu'à parler de citrouilles, ben oui. Ça ressemble à ça. Bien vu. Parce qu'évidemment, faire grossir des citrouilles, faire pousser des citrouilles, hein, on a agrandi notre émission, etc. Ben à oui. Shrek, Vortex, etc. Mais les gens peuvent aussi agrandir leurs citrouilles. Et voilà. Et ils peuvent faire d'autres choses que ça. Par exemple, ce qu'on appelle le pumpkin paddling. C'est un sport qui est de plus en plus populaire. Le pumpkin paddling, c'est où tu fabriques un bateau à partir d'une gigantesque citrouille et tu fais des courses contre d'autres bateaux citrouilles. Oui. Et ça se fait à tout plein d'endroits. La plus grosse compétition, c'est la Damariscotta Pumpkin Fest and Regatta à Damariscotta dans le Maine. Et ce concours-là, ben, il y a dans le fond, à ce festival-là, qui est le Pumpkin Fest, il y a des concours de justement de la poussée, la plus grosse citrouille, la décoration, les formes que tu fais dans la citrouille, comment t'appelles ça en français, hein, le carving, le décorage. Le gossage. Ouais. Même, je dirais la décoration. Je sais pas, tu sais, quand tu. Juste faire des trous dans ta citrouille, c'est différent de la décorer, mettre une chandelle dedans, puis la maquiller, puis mettre du parfum. Mm. Non. Fais regarder une vidéo pour voir comment ça se fait sur le pumpkin paddling. Ensuite, le pumpkin bowling. Ouais, le sport du pumpkin bowling, qui n'est pas encore aussi populaire que l'autre, mais c'est des petites compétitions régionales ou nationales, même c'est au niveau local. Ça ressemble quasiment à des party games là, que tu ferais à la maison, c'est un petit party, tellement c'est tout petit. Donc, dans le Minnesota, le Downing Pumpkin Farm fait une compétition annuelle le jour du Nouvel An. Hein, le jour du Nouvel An, pourquoi? C'est un peu bizarre, ça? Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est les restes. C'est ça. Il reste encore des bonbons, il reste encore des citrouilles. Ensuite de ça, on parle du pumpkin chunkin. Chunkin, ça veut dire lancer au loin. Donc, ça prend évidemment de la force pour pouvoir lancer une grosse citrouille. Ben oui. On le sait. Et tu peux construire une machine pour la lancer. Donc, il y a plusieurs compétitions de lancer. Lancer. C'est ça. Je cherche pas plus loin que ça. Le lancer. De la citrouille. Et le plus gros festival de ça, c'est le World Championship Pumpkin Chunkin. C'est le premier week-end de novembre dans un grand champ près de Seaford dans le Delaware. Et tu lances une citrouille aussi loin que possible avec un canon d'air comprimé, compressé, un trébuchet, une catapulte, un moteur centrifuge ou même juste par la force humaine. Et chaque gadget, ou l'humain, a sa propre catégorie dans la compétition. Donc, okay. Tu ne vas pas te battre contre quelqu'un qui a un canon à air. Ben non, c'est ça. Ça serait pas juste. It's not fair, it's unfair. Ben non. Ensuite de ça, l'Underwater Pumpkin Carving. Oui, ça c'est vraiment de gosser ta citrouille dans l'eau. Et il y a des compétitions comme ça partout dans le pays. Donc, ça prend un petit peu plus de temps faire des formes dans une citrouille en dessous de l'eau. Et tu peux faire évidemment un gros dégât. Il va y avoir des guts des intérieurs de citrouille partout. Et les citrouilles ont tendance à flotter vers le haut avant de se faire percer. Donc, il va falloir se pratiquer, se battre avec la citrouille pour réussir à l'amener jusqu'au fond de l'eau parce que quand elle est encore pleine, elle flotte. Étrange, hein? Ensuite, les ce qu'on appelle les pumpkin drop, donc différentes façons de lancer, d'échapper en fait des citrouilles. Et t'as ici le Mechanical Aerospace Engineering Department de la West Virginia University qui fait à chaque année le saut de la citrouille. C'est comme un genre de suicide de citrouille. Wow! C'est un peu bizarre, hein? Le but est de faire un design pour un emballage pour la citrouille qui va l'empêcher de briser, de casser à la fin d'une chute de 11 étages. C'est un défi assez difficile. Là. Les matériaux sont limités. Des matériaux qui sont, dans le fond, sécuritaires pour la foule qui va se ramasser autour de ça. Ça doit être biodégradable. Tu dois être capable de nettoyer tout ça à l'intérieur de 30 secondes après la chute. Wow. S'il y a eu des gars. Moi, je mettrais un jetpack. Oui. C'est la solution à tout. C'est un jetpack. Ben jetpack. Oui. Parce qu'on vit dans un jeu vidéo. T'sais. Oui. Jetpack, ça se trouve bien. Ensuite de ça, t'as la chute pour faire de l'art. Hein, donc, le but de faire tomber les citrouilles pour la Boston University et son Physics Department, son département de la physique là-bas, c'est de faire un dégât qui serait plaisant esthétiquement. Donc, les étudiants remplissent leurs citrouilles de peinture et de d'autres matériaux comme de la crème fouettée pour faire un beau splat sur le trottoir en dessous. C'est 70 pieds de haut. Je sais pas la différence entre 11 étages et 70 pieds. Je sais pas combien de pieds fait un étage. C'est 70 pieds, c'est deux étages max. Peut-être, mais ça fait du bel art. Oui. Et des beaux-arts. Des beaux-arts. Voilà. Allez voir, il y a des vidéos sur assemblagerequipe.com dans la section Son foutu palmarès. J'ai mis la vidéo de ça et de l'autre affaire de tantôt avec les bateaux. Ensuite, t'as la University of California à San Diego, UCSD, qui fait tomber une grosse citrouille de la plus grande bâtisse sur le campus à chaque mois d'octobre pour voir le splat que ça peut faire. En 1995, des morceaux se sont tant allés jusqu'à 100 pieds de circonférence. Wow! Oui, en plus, faut pas oublier ce fait-là, c'est que la citrouille est remplie de bonbons. Donc après la chute, les étudiants peuvent aller chercher à l'intérieur de la citrouille et à l'extérieur parce que ça pète de partout. Ça a pété partout. Les bonbons, c'est une bonne idée ça. Ensuite, pour les offres de bienfaisance, donc les fermes qui organisent des festivals, festival d'automne, j'aime bien le mot festival, donc il y en a différents festivals comme ça. Donc la Hee-Haw Farms à Pleasant Grove dans l'Utah va faire tomber des citrouilles pour donner de l'argent à la March of Dimes. Et puis t'achètes une citrouille et tu l'utilises, dans le fond, il faut que tu vises et que tu fasses tomber cette citrouille-là, quelque chose comme ça. Les citrouilles de plus de 500 livres vont ensuite tomber sur une voiture, c'est ça. OK. C'est ça. Donc, t'achètes une citrouille qui va servir de cible, une petite citrouille normale, et la grosse citrouille va venir écraser ta petite citrouille pour la charité. Ça, c'est le fun. Ensuite, la Great Texas Pumpkin Drop Festival. Encore une fois, j'ai mis un féminin pour un masculin. Ça se passe à San Marcos, au Texas. C'est pour ramasser de l'argent. Les participants doivent payer pour monter dans une montgolfière et ensuite faire tomber une citrouille dans les airs et les regarder tomber à terre. Quand même fort! Et finalement, t'as le Aerial Pumpkin Bombing. C'est St. Charles Flying Service dans le Missouri qui accueille à chaque année ce festival de la chute de la citrouille d'avion. Ben ouais. Donc, le but est de frapper une cible qui est peinte à terre. Et il y a une vidéo, encore une fois, sur assemblagerequipe.com. Et puis ça fait 14 ans, ça faisait 14 ans jusqu'en 2009 qu'ils faisaient ça. Puis je pense que ça a dû arrêter, quelque chose comme ça. En tout cas, bref, c'est belle fun de faire tomber des citrouilles de partout. C'est une longue tradition, ça, de faire péter des citrouilles. Je comprends pas vraiment. Non, je comprends pourquoi. Ils ont rien fait, les citrouilles. C'est ça, qu'est-ce qu'ils ont... Parce qu'ils sont oranges. Au moins, ils décident pas de faire ça, mettons, pour l'action de grâce, ça faisait tomber des dindes. Des dindes. Rempli de bonbons. Il y a un épisode de WKRP in Cincinnati, une émission de télé des années 70, si je me rappelle bien, qui se passe dans une station de radio. Et puis, ils font son épisode classique et culte, là, pour faire de la promotion pour la station de radio, ils décident de faire tomber des dindes d'un hélicoptère, okay. Je pense. Sauf que c'est des dindes congelées. Oh non! C'est classique. Allez voir sur YouTube, wow. WKRP, et culte. Ça s'appelle Turkey Drop, je crois. Alors voilà pour son foutu palmarès. Et étant donné qu'on vient de parler de citrouille, tantôt, je me suis pris à l'avance et j'ai tapé le mot citrouille dans la discothèque pour voir ce qu'il allait avoir là-dedans. T'sais. Donc, on va entendre les deux. OK. OK. Donc, j'ai trouvé les résidus plasmiques avec les enquêtes nauséabondes de l'inspecteur. Est-ce que j'ai la suite? Les enquêtes nauséabondes de l'inspecteur Le Pif, l'assassinat du marchand de citrouilles. Ça va être en deuxième, mais pour l'instant, voici À l'heure des citrouilles par l'artiste Cardinal et ses Bédos. Assemblage requis. Carrosse changeant citrouille, je regarde à ma fenêtre la même brouille. Sort de labyrinthe des ruelles où la crainte n'est plus pour lui qu'une équation. Il en connaît la solution de son crapaud. En saut de crapaud, il traverse le boulevard, manteau gris, un foulard et puis s'effondre sur un trottoir. C'est vraiment le seul à y croire. Il crée, je viens d'ailleurs et parmi les étoiles. voilà ce qui est dit. Je garde ma fortune, j'ai l'anneau de Saturne et un jour je le glisserai à ses bras de fer. Et je viens d'ailleurs et parmi les étoiles habite mon hamster. Carrosse change en citrouille. Je regarde à ma fenêtre la même bouille. J'entends les commentaires des passants arbitraires. L'amour en fou, dites-vous, l'amour en fou. Et je sais déjà qui sera là demain et encore après-demain. Malgré le brouillard, le blizzard, enfin prêt pour le grand départ. Je le crée, je viens d'ailleurs et parmi les étoiles habite mon danseur. Octobre au soir, l'Halloween bat son plein. Chez nos amis les policiers, c'est le party de bureau déguisé qui accourt. Le rutilant inspecteur Le Pif y participe, tout comme sa jeune stagiaire, soupie du léger d'entrebouille. Mais ces folles festivités sont vite abrégées lorsque le grand chef envoie notre héros et sa stagiaire sur les lieux d'un nouveau crime sorti. Un marchand de citrouilles a été retrouvé mort par des enfants qui pourtant ne voulaient avoir que de simples bonbons. N'écoutant que leur courage, nos deux héros ne prennent même pas le temps de se changer et gardent leur costume d'Halloween sur eux. Le Pif est déguisé en l'écureuil extraterrestre Sweetou et sa stagiaire en Gwendola Placard, la chanteuse has-been de 22 ans. Retrouvons-les roulant vers les lieux du crime. Ah merde de merde, encore un bouchon de circulation. Ça va nous ralentir énormément. Ciel, qu'allons-nous faire? Minute, j'utilise l'haut-parleur extérieur de la voiture. Attention, attention tout le monde. On annonce une hausse du prix de l'essence de 50 sous d'ici une demi-heure. Hé! Il n'y a plus personne! Eh oui, ils sont tous allés faire le plein. Manipulation du peuple 101, quoi. Chef, vous m'impressionnez! Pas de familiarité, ma chère. Appelez-moi Monseigneur. Mais une question me brûle les lèvres. Votre prénom si étrange, pourquoi Sophie et non pas Sophie, comme toutes les petites Sophie du même nom? Allons, allons, on est entre collègues. Vous pouvez me tutoyer et m'appeler Monseigneur. Pour répondre à votre question, mon père était le chef de la brigade antidrogue et il avait horreur du H. Ah, mais merci bien. Tiens, on arrive. Hey, wow, regardez, c'est Sweetou, l'écureuil extraterrestre. Avec quoi de la placard? Hey, madame, vous êtes ma chanteuse has-been préférée. Non, non, humble mortel, nous sommes des forces constabulaires et nous venons résoudre ce crime. Sopi, que remarquez-vous? On lui a mis la tête dans une citrouille et il s'est comme noyé dans le jus. Autre chose? Je pense que c'est un meurtre gratuit. Bravo, excellent. Voyez, il manque 3 citrouilles sur l'étagère. Vous avez raison, le meurtrier voulait avoir des citrouilles gratuites. Et il a même commencé à les manger en route. Voyez les morceaux de citrouilles partout par terre. On n'a qu'à suivre sa trace. Et voyons voir où ça va nous mener. Chez le voisin. Ouvrez au nom de la loi. Monsieur, finissez d'abord de manger et avouez votre crime. Vous avez tué votre pauvre voisin vendeur de citrouilles pour jouir gratuitement du fruit de votre crime. Une seule question supplémentaire. Mais pourquoi donc? Je dois suivre une diète sans gras trans. J'ai été pris d'une faim incontrôlable. Et quand mon voisin refusait de me faire crédit, bien... Embarquez-moi ça et retournons vite à nos festivités. Waouh! Inspecteur, je veux dire monseigneur, mais comment faites-vous donc pour résoudre de pareils crimes si rapidement? Je fais avec, ma chère subalterne. Je fais avec. Ah, c'était n'importe quoi et j'adore ça. Les risques du plasmique et les enquêtes nauséabondes de l'inspecteur Le Pif, l'assassinat du marchand de citrouilles. Et maintenant, on sait qui a tué l'assassin. Oh, qui a tué l'assassinat? C'est ça que je veux savoir depuis le début. Oui. Assassinat Orsini. Oui. Rouge. Donc, on a su que Sophie s'appelle Sophie parce que son père était policier puis qu'il n'avait pas le H. Oui. Puis qu'il mangeait comme ça. Wow. Donc, merci les résidus plasmiques. Toujours un bon succès. Oui. On va en jouer plus souvent. C'est drôle. On dirait qu'ils mangeaient un peu leur citrouille comme une mangue. Je sais pas si t'as déjà mangé une mangue. Non, jamais. Juste en yogourt. Encore du yogourt. Encore du yogourt. Ben, c'est ça, ça me faisait penser à ça. Les résidus plasmiques, pour ceux qui se demandent, qui se posent la question, c'est aussi eux qui font, Colin, mais accorde tes affaires comme faut, ben oui. Les instructions d'assemblage, l'intro de la chronique, les instructions d'assemblage du machin. Oui. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. La bière de la semaine. Une présentation de La Barrique, le magasin de bière à Trois-Rivières, 4170 Boulevard des Forges. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben qui mangent la merde. Eh bien oui, on est au moment tant attendu, en tout cas par les animateurs. Hein? C'est peut-être pas votre moment, mais moi, c'est mon moment de la semaine. En plus, ça fait un petit point sur la semaine qui s'achève. C'est une bonne idée. Mais Michel Matteau. Oui? Salut. Salut, Danny Janvier. Bienvenue dans un autre dîner de cons. Je suis excité. Parfait. Aujourd'hui, eh bien, on déguste une bonne bière. On ne sait pas, on n'y a pas goûté encore. Sauf qu'elle provient de Charlevoix, la microbrasserie de Charlevoix à Baie-Saint-Paul. Et moi, c'est ma microbrasserie préférée au Québec. Puis je choisirais, tu sais, peut-être même au monde. Parce qu'ils font de la bière foncée, là, tu vas me dire. Ils font de la grosse bière. Cet été, j'ai eu le plaisir de me rendre à Baie-Saint-Paul et j'ai resté avec ma copine au bar pendant 4, 5, 6 heures, je ne sais plus. On a mangé, on a bu, on s'est bien amusé. Donc, ça me fait plaisir de déguster une vache folle, Porter Vache Folle Chicorée. Donc, ça inaugure bien, hein, quand même. Si on y va tout de suite, je vais juste aller avec le petit commercial description qui nous dit « La vache folle Porter revisite ce classique des styles brassicoles né au 18e siècle en Angleterre. Le houblonnage traditionnel du houblon Fugel est complété par des saveurs grillées et épicées de la chicorée. Chicorée qui est souvent utilisée comme un succès d'année un peu au café. Okay. Ça goûte un peu le café. Les cafés des caves, c'est souvent à la chicorée. Le résultat, eh bien, ça donne une bière de réconfort aux reflets feuilles mortes, exprès pour accompagner la féerie bon, de l'automne. Danny Janvier, il faut que tu répondes à ma question. Moi qui connais moins ça que toi, Porter, c'est quoi d'après? C'est quoi à la base? À la base, c'était une bière justement qui venait d'Angleterre. Puis les porters, c'était des débardeurs du port. OK? Ah, OK. Donc, c'était une bière qui devait être très pesante pour les soutenir parce que les gars n'avaient pas d'argent. Et puis, ils se nourrissaient finalement. Tu sais, quand tu dis « Ah, oh, j'ai pris mon dîner ouais, », ouais, mais eux, ils se nourrissaient au Porter. C'est une bière qui a été développée pour eux, qui était bien, bien lourde. Parce que dans le commun du mortel pense à une bière très épaisse. Oui, ben c'est quand même ça, parce qu'il faut que ça soit... Tu peux pas avoir une bière... un Porter, il sera pas, tu verras pas bien à travers, d'habitude. Ouais, c'est même, ça. D'habitude. Mais bon, de voir à travers. Exactement. Là, j'ai mis ça tout dans mon hoodie, parce qu'on sait, on n'a pas de frigidaire, hein, puis on veut que ça soit froid. J'ai réussi. Hey, j'ai checké ça, mon hoodie, il tient bien les verres frais, là. Oui. Donc, on a nos verres. On a une belle bière du type poupée. Je vous explique. Moi, il y a la 750, qui est une grosse bière. Il y a la petite bière à 341 millilitres. Et il y a le format poupée. C'est comme une petite poupée pour soi. Moi, je trouve que c'est le format parfait pour une personne. Mais là, bon, on va se la partager, Michel. T'inquiète. Puis ça va être correct, des fois, tu me laisses ton fond parce que t'es comme... J'essaie de garder ma tête, quand même. Exact. Pourtant, c'est moi, je travaille aussi après. Donc, trêve de bavardage. Ouais, mais ça fait plus longtemps que tu fais la chronique. Ouais, ça fait longtemps que je m'entraîne. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est exactement la même description qu'on a sur la bouteille. Moi, je vous lisais le truc sur ratebeer.com. On va s'ouvrir ça, puis ensuite, on va aller justement jaser de cette bière. Ben c'est la trame. On espère juste qu'elle ne sera pas aussi contente que la semaine dernière. Tu sais, elle m'a comme aspergé de son bonheur. Ouais, fais attention à ton micro. Ah. On l'a. Elle sent le bonheur. Ça sera, c'est pas une petite bière, là. C'est une bonne bière. Puis Vache Folle, à la base, il y avait une Vache Folle. Je ne sais pas si eux, ils le faisaient. Mais avant, il y avait une la voie maltée. C'était tout ça. En tout cas, il y avait du lactose dedans. Ça donnait vraiment un goût. Elle crémeux. Elle avait une allure crémeuse aussi? C'était-tu plus blanchâtre? Non, mais ça donnait qu'elle était épaisse, dans le sens qu'elle pouvait prendre le côté noir, pareil, mais le côté lait, justement, il était là. En tout cas, on y va. Tu me passeras ton petit verre. Avec plaisir. Ou tiens, je peux même te passer celle-là, ici. Ouf, c'est dangereux. Ça, fait c'est là. Dangereux, mais on est habile. On est habile. On va le dire, j'espère qu'on va l'être. Je t'en redonnerai un peu, on va voir, parce que... Pas trop, pas si peu. Ben, il y a quand même... La lumière passe oui. À travers, là. Ouais, bonne chose. Le collet est assez épais. Ouais, mais là aussi, c'est ma façon de... Ouais, veux-tu te regarocher ça dedans, ou t'es correct? Non, c'est beau pour tout ça. Yes, oui, vas-y. On sent la... tu viens de parler de crémeux, là. On sent que la mousse est comme crémeuse, d'ailleurs. Et beaucoup de micro-bulles, ça, j'aime ça aussi, c'est une question de finesse. Quand tu vois à peine la bulle, là, c'est hallucinant. Tu as des grosses bulles, mais les autres sont vraiment micro. Ça, j'aime bien aussi. Le nez est parfait. Ouais. Toi, t'aimes moins. Ben non, je sens pas... C'est pas très puissant. Pas très puissant, on va y aller avec le goûter avec le maintenant. Goût. À ta santé, mon Merci. Ami. Merci. C'est bon. C'est bon. Ça, c'est sûr que c'est bon. Ça se boit bien. Il n'y a pas trop d'amertume. Hein? Non, vraiment pas. Moi, j'en sens pas beaucoup même. On sent, c'était quoi, à 6,5. Donc, c'est pas tellement alcoolisé. On peut en prendre plus qu'une, puis on est encore capable de fonctionner. Non, mais c'est vrai. Des fois, avec des 7,50 à 9,5%, c'est un peu plus difficile de fonctionner normalement. On a fait ça la deux semaines, je pense. Non, dis pas ça. Ouais, pas l'émission avec Alex Dusty, là. Ben non. C'était juste du jeu, ça. C'était le théâtre. Je vais te faire t'étouffer. Donc, c'est ça. Moi, avant même d'aller me mettre sur la table, comme ça, je vais aller voir ce que les gens en disent. D'accord. Parce que sérieux, moi, à ce moment, je veux être franc avec les gens. Je bois quand même pas, de sensé, je bois pas tant que ça, mais j'ai bu beaucoup de bière dans ma vie. Ben, des sortes. Beaucoup de sortes. Et puis, maintenant, j'ai beaucoup de... Je trouve que ça ressemble beaucoup. Tu sais, à part quand t'as vraiment des caractères là, très différents, mettons une vraie IPA normale ou une vraie Scotch Ale. Mais maintenant, il y a tellement d'hybrides entre les styles que je trouve qu'à un moment donné, bon, ça goûte la bière. Ouais. Parce qu'ils parlent de chicorée, est-ce que t'aimes pas? On peut pas dire qu'on détecte... On sent pas le chocolat tant, ou le café là, tant que ça. Là. Ben, c'est la note que j'aurais peut-être voulu un peu plus. Déceler le plus. C'est peut-être ça que je décèle le plus, moi. Plus café ou chocolaté? Je dirais café mocha. Okay. Tu une vraie couleur. Mais moi-même, c'est parce que j'aime le goût de la fin, là. La tombée est le fun. Mais le premier goût, il n'est pas si caractérisé que ça. Il n'y a pas quelque chose qui ressort. Moi, justement, en voyant Chicorée, je pensais beaucoup plus que ça goûterait un peu plus le café. Mais t'en as bu plusieurs, je suppose, des porters. Oui. C'est-tu... plus puissant que ça d'habitude? Moi, c'est parce qu'en ce moment, moi, une de mes bières que j'achète genre une fois par semaine, une grosse 750, c'est un Porter Baltic à 9,5% d'alcool. C'est du sirop, là. OK. T'sais, fait que moi, pour moi, celle-là, je la trouve très légère, ouais, facile à boire. Justement, pour les gens qui connaissent pas le Porter, ça peut être une bonne bière pour commencer. Ben, c'est là que tu parles d'un hybride. Hein? On voit entre le Porter et la bière régulière. Là. Exactement. Et puis, comme je te dis, il y a des Porters, là. Si on se rappelle. Pour les vieux de la vieille, c'était quoi? C'était Labatt 50 qui faisait un Porter, je pense. Labatt, ouais, qui fait un Porter. Ça goûte l'huile, la moteur, tu sais. C'est noir comme le yob. Ça, on dirait que ça a été fait avec de l'eau de tuyau de poêle, là, genre. Là. Ça, c'est loin de ça. C'est très bon. C'est très agréable. C'est pas sauvage là, comme goût là, quand même. Donc, même que je dirais que c'est étonnamment agréable. OK, sais, ouais, toi, je sais que c'est moins ton type. Non, mais je m'attendais, j'avais une crainte. Là, toi, les bières foncées, t'as un peu peur. Disons, peur. C'est une joke. Je suis capable de le boire. Je dis pas que t'es un peu heureux, mais c'est que t'es plus... C'est moins, tu vas moins facilement vers ces bières-là. C'est absolument, ça que je veux dire. Absolument. Tout simplement. On va aller vers des petites critiques, puis arrête-moi si tu es d'accord ou pas. D'accord. On va partir avec Slovak Sniper, qui lui a quand même critiqué 2408 bières. On a bu plus qu'une, là, pas juste bu de la Molson. Il est toujours vivant. Oui, toujours vivant. Donc, une bouteille de 500 ml, un liquide profondément brun avec une mousse qui termine sa course abruptement. Non. Ah, non, c'était plutôt l'inverse, tu avais dit tantôt. Ouais. Départ lent, mais... Ouais, mais bon, hein, chacun... Ouais, c'est bien. Tu sais, quelqu'un qui regarde une toile, il voit pas la même chose, ouais, hein, c'est un peu ça. Un nez de café, de houblon épicé et de caramel. Attends un peu, faut que j'aille vérifier. Ben, moi, le petit café, je le goûte un peu. Avec le temps, il peut venir. Ouais, peut-être. Un café froid, là. Ouais. Tu sais ce qui se dégage d'un café froid, peut-être. Ouais, peut-être. Mais houblon épicé, oui. Caramel, non. Je sens pas tant de caramel. Le côté torréfié, ouais, oui, là, mais pas plus. Un aspect rôti qui dégage une certaine acidité végétale. Ben, le côté rôti, oui, mais le végétal, tu exactement, peux pas dire c'est que ça. Moi, le côté rôti, torréfié, mais le végétal, ouais, non. Hey, la semaine passée, ce qu'on avait, c'était beaucoup plus végétal. Oui, oui, c'est ça. T'sais, c'était plus vert. Puis pas encore assez qu'on aurait pu en prendre un peu plus de dessous de tondeuse, comme on dit. Sinon, un goût caramérisé avec une proportion de malt noir rond. Le malt, oui. Moi, il y a beaucoup de ça qui me vient. Puis c'est pour ça que je disais tantôt qu'une bière, à un moment donné, je trouve que ça goûte la bière. Ça sent la céréale, ça goûte la céréale. Le malt, il est là, il est rond, il est bon. Une chicorée légèrement amère. Moi, je trouve pas que c'est vraiment amer, cette bière-là. Moi, je ne sens pas la chicorée. Non, du tout. Ben, la chicorée qui nous donne le petit goût de café, mais sans plus. Ouais. Par contre, le goût caramélisé avec une proportion... Non, ça, goût caramélisé, moi, je trouve pas. Goût, comme on a dit tantôt, torréfié. Une bouche qui montre un corps plutôt mince avec un pétillant normal, une texture crémeuse et une finale doucement épicée. Texture crémeuse, tout à fait. Pétillant normal, pas très pétillante, là. On regarde, là, le col tient, mais il n'y a pas de bulle qui monte, là. Et puis, quand elle regarde pas vis-à-vis, elle est quand même assez noire, hein? Ouais. Quand même. Pas opaque. Ben. Non, pas opaque, pas complètement. Hey, on a des bières, des fois, c'est des sirops, ouais, là. Ils n'ont rien. Ici, on va aller avec le siffle-bière. Lui, ça arrive souvent que je parle de ses critiques. Lui, on a critiqué quand même 802. Quand même assez louable. Un porter assez mince, oui, tout à fait. Ça, ouais, c'est vraiment vrai. Rougeoyant à la lumière, oui, tantôt. Moi, je le vois pas du mien, mais dans la tienne, moi, je le vois la couleur. Moi, ici, ah oui, là, je le vois. Rougeoyant brun, tout à fait. À date, le siffle-bière, on est bien d'accord. Un petit col de mousse brun pâle. Petit col, oui, ici, c'est en plein ça. Ouais. Mais il tient, hein? Il persiste, ouais, quand même. Il y en a, ils disparaissent complètement. Lui, il persiste. En nez, eh bien, note terreuse. OK. Mais ou peut-être le côté céréal que je disais tantôt. Un peu de raisin et de grains rôtis. Raisin, moi, je suis... chercher le raisin, là. Grains rôtis, oui. Ouais, ouais. Sans problème, mais raisin, là, mon gars, faut que j'aille vérifier. Bon, on sent que la vérification se fait, mesdames et messieurs. Je peux pas sentir de raisin, là. Non, il n'y a pas de Welsh là-dedans. Non. Vraiment. Mais bon, en bouche, ce sont les mêmes notes de malt torréfié qui prennent les devants. Oui. Rondeur magnifique, sans café ni chocolat. Lui, il dit, justement. Ouais. Il est pas mal avec ce qu'on pense. Hein? Il dit « aussi peu ». Ouais, c'est ça. Exactement. C'est fin, mais c'est là, c'est présent. Il dit « à la fin, il finit avec un porter qui est surprenant, à la fois simple, sans artifice et original. » La description de la phrase est parfaite. Une autre réussite de Charlevoix avec une bière d'automne qui frôle le parcours sans faute. Ben, moi, ce que je trouve, c'est que ça peut être une bière de tous les jours quasiment. C'est pas quelque chose que tu... Bon, parce que c'est trop puissant, faut que tu prennes... Trop de dégustation avec des pincettes, verre, ouais, gros de ça. Même, puis tu le partages non, avec tout le monde. Non, ça se boit bien, c'est très agréable. Tout à fait, je pense la même chose que toi, mon ami. Et tiens, on va s'en envoyer une petite dernière. Oui, celle-là est toute courte en plus. C'est avec WhatsApp 14 qui, lui, en a décrit 456, quand même bien. Bouteille 500 ml, couleur noire opaque. Pas de temps. Comme on a dit, il laisse passer quand même la lumière. Mousse mocha, oui, disparaissant rapidement et laissant un anneau. Plus qu'un anneau. Il laisse plus que juste un anneau. Arôme de malt torréfié, café, verdure, caramel léger et cendre. Il est peut-être habitué. Mais peut-être ça habitué. Viendrait de la torréfaction, là, mais... Ben, dans tout ça, moi, je trouve malt torréfié, oui. Café, un petit peu. Cendre, peut-être, pourquoi pas, mais bon, verdure et caramel léger, pas tant, je trouve. Non, c'est ça. Moi non plus, je trouve pas que c'est... Je sais pas si c'est la végétal. Couleur qui, psychologiquement, me dit pas de verdure, mais moi, je le sens pas. Moi non plus, je sens pas le végétal. Quand t'es habitué avec des premières récoltes, avec du houblon frais ou des bières du genre, je trouve que c'est pas... C'est pas un mal en soi, là. Ben non, c'est juste qu'il existe pas. Là. Exact. Moi, j'ai rien contre le goût de verdure, mais non, pas tant. Il dit la chicorée met un point d'interrogation. Ce qu'on a dit, ça, ouais. Là-dessus, amertume moyennement faible, oui. Café en fin de bouche. Moi, j'ai la céréale en fin de bouche. Ouais. Avant ça, juste avant, quand ça drop, il y a le côté, comme on avait dit tantôt, torréfié, mais... Là, ça fait trois mois que je bois plus de café, fait que je commence à l'oublier. À l'oublier. Moi, j'en bois pas vraiment, sinon je n'ai un paquet de nerfs. Il dit la carbonation, oui, est moyenne et faible avec un corps moyen. Donc, si vous voulez plus d'informations sur cette bière, ben, rendez-vous sur le site de la microbrasserie de Charlevoix. Rendez-vous sur le ratebeer.com. Peut-être vous-même faire votre critique. Moi, j'aimerais ça, mais je n'ai pas le temps de faire ça. Mais oui, c'est quelque chose que j'aimerais de contribuer à ce site. C'est sûrement une bière que je vais prendre une fois de temps en temps. Moi, j'adore ça. Une vache folle. Et comme je te dis, et puis comme ils ont dit, sérieusement, tu te trompes à peu près jamais avec cette microbrasserie-là. Ils sont très justes. Ils font des hybrides, oui, mais ils n'essayent pas de dénaturer complètement la bière. Là. Comme je dis souvent, je me plais à dire, les brasseurs sont à veille de faire une noire blanche, une bière grise. C'est à veille, là, on est à veille de voir ça. Une noire qui est blanche ou une blanche qui est noire, c'est à veille. Sur ce, eh bien, on est bien content. Verdict, bien oui. Intéressant. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Je suis présentement en entrevue avec Maxime Potvin, qui est clavieriste au sein de la formation Lila Dissa, qui figure sur notre palmarès depuis déjà plusieurs semaines. Salut Maxime. Salut Danny. Salut, ça va? Oui, ça va très bien, toi? Oui, très bien. Lila Dissa, nom quand même étrange. Qu'est-ce que c'est? D'où que ça vient? Qu'est-ce que ça mange? Ben, Lila Dissa, ça vient d'un livre... Il y a aussi un film qui a été fait sur le livre. Il paraît que le livre est pas mal meilleur que le film, comme dans plusieurs cas. Ouais. Oui. C'est un peu l'histoire, les grandes lignes, c'est l'histoire d'une nymphette qui plaît aux garçons et qui se la joue. C'est ça, en gros, là, ce que j'en sais. Il n'y a pas vraiment de lien direct avec le contenu du livre et... les paroles des chansons, à part quelques mentions à la gente féminine, sinon ça s'arrête là, je crois. OK. Et puis, Lila dit ça a commencé comment et c'est qui, c'est quoi les membres, comment vous êtes rencontrés? Moi, personnellement, je connais Fred depuis le secondaire, c'est-à-dire depuis plus de 15 ans maintenant. Fred, c'est le chanteur, juste pour se situer. Oui, okay. Exactement. Fred, c'est chanteur, compositeur, qui compose la musique et les paroles. C'est ça, on avait formé un band en anglais au départ qui s'appelait Gossimo pendant 5 ans, il y a 10 ans. Donc Gossimo a duré 5 ans, puis là depuis 5 ans, un autre 5 ans, on a formé un groupe francophone, Lila Dissa. Il y a le claviériste du l'ancien groupe qui est devenu le drummer du nouveau groupe en français.

présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Et maintenant, ici, je vous donne une super suggestion pour vous, les garçons. Eh bien oui, on le veut tous, sauf moi. Une firme anglaise s'est souciée des hommes qui souhaitaient un petit coup de pouce pour leurs muscles sans avoir à passer par la case fitness. Eh bien, hein, eh bien oui, si certains nécessitent un Wonder Bra pour aider une petite poitrine ou remonter le tout, eh bien, il n'y a pas de raison que certains hommes chétifs ne puissent pas profiter du même avantage. C'est la marque anglaise Funky Bod qui a donc pensé à eux en créant un T-shirt ou un chandail assez serré, type douchebag, pour améliorer l'aspect des pectoraux, épaules, biceps et triceps. Donc, il y a des petits coussins conçus en matière douce. Ce sont des maillots invisibles qui sont disponibles en noir, blanc et en gris pour 42 francs. Le T-shirt est défini comme un complément idéal pour améliorer le look de votre chemise préférée. Je vous invite à aller voir ça. C'est complètement ridicule. Donc, c'est des pads. Ça vous tente d'être padé, monsieur? Eh bien, oui. Ici, une société japonaise qui propose à ses clients de pouvoir louer les services d'un homme mûr. Donc, au pays du soleil levant, les Japonais ne sont décidément pas à une excentricité près comme celle de pouvoir louer les services d'un petit copain mignon, d'un ami ou encore dernièrement ceux d'un homme d'âge mûr pour une somme modique. C'est la société Ozen Rental qui propose à ses clients de pouvoir louer durant quelques heures les services d'un homme mûr destiné à pouvoir les accompagner où bon leur semble. Alors qu'il existait déjà un service permettant de pouvoir s'octroyer les services d'un petit ami ou physique avantageux, ou encore un autre permettant de louer durant quelques heures un ami. Tout simplement comme ça. Les responsables de l'initiative de la société Osan Rental se sont aperçus que rien n'était néanmoins proposé aux personnes dites d'âge mûr. Qu'à cela ne tienne, ces derniers ont donc décidé de s'engouffrer sur ce marché en proposant aujourd'hui à ceux, ou plutôt à celles qu'ils souhaitent, la possibilité de louer pour la somme de 10$ l'heure les services d'un homme mais d'âge mûr. Celui-ci leur permettra de passer le temps de manière plus agréable en leur faisant la discussion ou encore en les accompagnant durant leur séance de shopping. Pour permettre de satisfaire les attentes de sa clientèle, la société de location Osan Rental offre pour l'instant le choix entre deux personnes, deux profils et deux styles différents, tels celui de Takanobu Nishimoto, professeur de 46 ans, attiré par tout ce qui a trait à la mode et au design. Et sinon, l'autre, c'est Mikio Sendu, un entraîneur de baseball de formation qui présente pour un profil bien plus sportif. Donc, bien que la société de location d'hommes mûrs ne propose pas pour le moment un choix très large de partenaires, celle-ci ne désespère pas pouvoir s'agrandir prochainement afin de pouvoir offrir à ses clientes un panel de profils encore plus diversifié. Motivé, Takanobu Nishimoto a quant à lui déjà fait savoir que ce dernier tenait à la disposition de ses dames 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par semaine afin de tenir compagnie aux clients désireuse de voir s'offrir ses services. Par contre, à 10$ de l'heure que la compagnie fait ça, OK, la compagnie, il faut qu'elle se prenne un profit. On s'entend. Et le monsieur, lui aussi, doit avoir un profit là-dedans. Donc, à combien de l'heure, finalement, il travaille pour ça? Et on nous dit que c'est un professeur âgé de 46 ans qui est attiré par le mode et le design. Comment il peut vivre pour ça? Donc, il travaille, puis il dit qu'il est disponible 7 jours sur 7. Je sais pas, il y a des petits problèmes dans cette nouvelle qui me dérange. Ici, bien intéressant, bien rapide, je vais vous faire ça. Un artiste qui transforme les voitures recouvertes en poussière d'œuvres d'art. Donc, tu sais, on voit tout ça, hein, au lieu de leur donner un bon coup de polish afin de les faire briller. C'est un artiste, au lieu d'écrire « Lave-moi », qui a décidé de faire des voitures un peu sales, des œuvres d'art, en se servant de la poussière accumulée. Et vu le résultat, eh bien, il n'est pas certain qu'à la suite de cela, les automobilistes aient envie d'aller envoyer leur voiture, finalement, au lavage. Ça ne vous tentera pas. Je vous invite à aller voir. C'est vraiment magnifique. Là, je fais en revue rapidement parce qu'on a beaucoup de nouvelles avant que les précieuses ridicules viennent s'installer dans le studio. Sinon, ici, une phrase qui m'a quand même un peu saisi, c'est le prince Laurent de Belgique qui rêve de dialoguer avec un poulpe. Donc, le prince Laurent de Belgique, frère cadet du roi Philippe, a révélé samedi, à l'occasion de ses 50 ans, que son plus grand rêve serait de dialoguer avec tous les animaux de la Terre, citant en premier un poulpe ou une mouche. Il aimerait parler avec un poulpe ou une mouche. Est-ce que tu peux t'imaginer une seconde la richesse intellectuelle de pouvoir parler avec un poulpe et d'avoir son expérience, de pouvoir converser avec une mouche, avec un oiseau ou avec une baleine, a déclaré le prince Philippe, le prince Laurent, pardon, pas le prince Philippe. C'est le roi Philippe. Donc, dans une vidéo diffusée par la fondation qu'il a créée il y a 17 ans pour aider les animaux et les personnes défavorisées possédant des animaux de compagnie, dans cette vidéo de 7 minutes et demie où alterne le français et le néerlandais, le prince né le 19 octobre 63 répond aux questions de son épouse, la princesse Claire, qui joue à la journaliste à l'occasion de son anniversaire. Le fils cadet du roi Albert et la reine Paula confient avoir été extrêmement intéressés par l'éthologie, OK, depuis sa naissance, depuis sa jeunesse et d'avoir songé à créer une fondation depuis ses 20 ans. Et là, ça continue et je trouve ça un petit peu inutile et tout à fait peu divertissant, ce qui est supposé être divertissant dans le dîner de cons. Hein. Sinon, ici, ça m'a frappé une vague d'attaques contre les roues qui sévit au nord de Londres. Donc, c'est dans un communiqué publié vendredi, la police du Yorkshire du Sud affirme avoir été alertée au sujet des attaques de la semaine dernière à l'Académie Wingfield dans la ville de Rotterdam, environ de 260 km de Londres. Selon la police, quelques élèves ont subi des blessures mineures après avoir été attaqués par des camarades de classe. Personne n'a été arrêté, mais la police a précisé que les agents avaient réprimandé certains élèves impliqués. L'école a déclaré qu'elle condamnait les attaques contre les roues. Ben, contre les attaques contre tout le monde, mais contre les roues aussi. Des épisodes de harcèlement visant les roues surviennent périodiquement au Royaume-Uni. Certains observateurs ont attribué ce phénomène aux préjugés anti-celtiques qui persistent toujours dans ce coin de pays. Ordinaire. Ici, c'est un agent de sécurité qui est arrêté pour des photos prises sous les jupes. Un témoin qui s'est aperçu des méfaits de l'agent s'est emparé de son téléphone portable et a averti une hôtesse selon l'acte d'accusation. Cet agent de sécurité aérienne a été arrêté pour avoir pris des photos en pointant son objectif sous les jupes des femmes qui embarquaient sur un vol. Donc, il s'appelle Adan Joseph Bartsch et a été arrêté par la police de l'aéroport de Nashville, dans le Tennessee, alors que l'avion, lui, s'apprêtait à s'envoler pour Tampa, en Floride. L'accusé est âgé de 28 ans et a reconnu avoir pris des photos sous les jupes et les robes des femmes. Donc, aux États-Unis, les agents de sécurité et de sécurité aérienne, les Air Marshals, voyagent de manière discrète à bord de vols commerciaux et ont pour tâche de prévenir tout acte terroriste ou tentative de détournement. Et ils dépendent de la TSA, l'agence de transport de sécurité dans les transports. Michael Pacciarella, un porte-parole des Air Marshals, a assuré que le suspect a été relevé de ses fonctions et qu'il devrait être définitivement renvoyé sous peu. Une chance, hein? Et ici, c'est assez morbide comme nouvelle. C'est une ado qui magasinait avec un fœtus dans son sac. Un agent de sécurité qui soupçonnait une adolescente à vol étalage a fait jeudi à New York une découverte particulièrement macabre. L'adolescente de 17 ans a été arrêtée en début d'après-midi avec une amie du même âge dans une boutique de sous-vêtements Victoria's Secret à Manhattan par des employés qui les soupçonnaient de vol à l'étalage. Ce porte-parole a évoqué de possibles restes humains trouvés dans son sac sans vouloir confirmer le terme fœtus tant que le médecin légiste ne s'était pas prononcé. Selon CBS New York, l'adolescente a expliqué le fait d'avoir fait une fausse couche mercredi et n'avoir pas su quoi faire du petit corps qui était celui d'un petit garçon. Aïe aïe. Après la découverte, l'adolescente a été admise dans un hôpital proche. Selon la police, son ami a été aussi interrogé. OK. Et sinon, mettons qu'on va aller juste trouver une petite pièce musicale pour laisser de la place aux filles qui viennent s'installer dans quelques instants. On va aller parler de Apple qui a récemment lancé un build golden de son prochain système d'exploitation OS X Maverick. Et pour ceux qui ne savent pas, un build golden master est essentiellement la version finale du bêta et c'est également la même version que les testeurs non bêta peuvent avoir une fois que le logiciel a été lancé officiellement au grand public. Quoi qu'il en soit, il semble qu'un jour avant leur événement du 22 octobre, Apple a lancé discrètement une version de mise à jour du build Golden Master de OS X Maverick et le numéro de build est de 13A63 alors que le précédent était 13A598. Bien qu'on ne sache pas quel changement Apple a effectué, il a été spéculé que ce n'était pas une mise à jour prévue et qu'elle a probablement été lancée pour corriger des bugs qui ont été aperçus à la dernière minute. Ce dont on ne peut pas se plaindre pour les développeurs qui veulent mettre la main sur le dernier build. Il ne serait pas disponible via le Mac App Store. Il sera pas disponible, mais sur le Dev Center pour téléchargement direct, OS X Maverick a été annoncé vers le milieu de l'année alors que l'événement WWDC 2013 d'Apple, mais on pense que le logiciel sera sera enfin lancé, du moins qu'Apple donnera une date de lancement le 22 octobre qui annoncera le lancement du nouveau iPad, entre autres choses. On parle ici du Vatican et non du Vatican, même si c'est ça, même si c'est la même chose. Et donc, qui lance une équipe de cricket. Hein? C'est lors d'une présentation à la presse très anglo-saxonne avec thé et sandwich au concombre que Mgr Melchior Sanchez, président honoraire du club de cricket de Saint-Pierre, a expliqué que cette opération illustrait le conseil du pape François, connu pour être un fan de soccer et de nous ouvrir aux périphéries du monde. Le cricket, très populaire en Inde et au Pakistan, peut être une nouvelle façon de dialoguer avec les autres religions, a expliqué Mgr Sanchez, en espérant que l'Église anglicane d'Angleterre compose sa propre équipe et soit le premier adversaire du club de Saint-Pierre. Il rêve déjà d'un match en septembre 2014, quand les séminaristes sont en vacances dans le stade de cricket le plus célèbre du monde, le Lord Cricket Ground de Londres. D'autres parties pourraient également être disputées face à des équipes composées de prêtres hindous et des responsables religieux musulmans. Bonne idée, moi ça je trouve. Allez vous battre sur un terrain de sport avec des règles claires et honnêtes. Je pense que c'est la meilleure chose. D'autres parties pourraient également être disputées face à des équipes. Oui, je n'aurais jamais cru que le cricket fût aussi populaire à Rome, a déclaré pour sa part le cardinal Gianfranco Ravasi, considéré comme le ministre de la Culture du Vatican. Nombre de migrants venus d'Inde et de Pakistan ont en effet importé leur sport favori en Italie, où l'on peut les voir jouer notamment sur les pelouses de la Villa Borghese à Rome. Président du nouveau club, dont les couleurs seront celles du Saint-Siège, comme le blanc et le or, Théodore Mascarenda, un prêtre indien, est fier de son équipe et il dit qu'elle va devenir assez forte pour battre n'importe quelle autre équipe dans le monde. Le fait que le pape François soit un supporter déclaré du club argentin de soccer San Lorenzo prouve qu'il est un homme très ouvert, a-t-il ajouté. Les religieuses sont également les bienvenues au club, qui espère monter aussi une équipe féminine, a précisé le frère Mascarenda. Oui, quelque chose du genre. L'initiative est née il y a un an grâce à l'appui de l'ambassadeur d'Australie près du Saint-Siège, John McCarty, qui a chiffré entre 250 et 300 les joueurs susceptibles d'intégrer son club. Selon lui, il s'agit là d'un exemple parfait de diplomatie par le sport. Bonne idée, bonne idée. Ici, on va aller un peu moins vers le Saint-Siège. On va plus aller vers Miss Tranny, Miss T, hein? Transsexuelle. 2013, le Brésil a élu sa plus belle transsexuelle. Donc, c'est la jeune transsexuelle aux longs cheveux bruns et aux yeux noirs qui a remporté ce concours face à 27 autres concurrentes. Son nom, c'est Raika Ferrez, une brune plantureuse de 21 ans. Donc, elle a été élue lundi soir Miss T Brésil. Donc, c'est un spectacle de 3 heures rythmé par des performances musicales et des défilés de candidates dans des tenues diverses, dont les incontournables bikinis et autres robes de gala. La gagnante, qui représentera le Brésil en 2014 à l'élection de Miss International Queen en Thaïlande, a également reçu un bon d'achat d'une valeur de 4 700 euros pour une chirurgie de son choix dans une clinique thaïlandaise de renom. Va pouvoir se faire faire ce qui manque. Celle-ci a toutefois indiqué qu'elle n'avait aucune envie de changer de sexe, se considérant tout à fait épanouie telle qu'elle était maintenant. Ah, ben bonne idée, je trouve. Elle se sent bien comme ça, elle se sent femme, même si elle a quelque chose entre les pattes. Ce qui importe, les femmes, même c'est sûr, certaines femmes se sentent femmes quand elles ont quelque chose entre les pattes. On passera pas sur ce sujet. Ce qui importe, c'est que tu te sentes heureux tel que tu es et que tu te comprends. Si tu es transsexuel non opéré et que cela te plaît, c'est ce qui compte, a-t-elle déclaré à l'AFP. Néanmoins, elle a avoué qu'elle se rendrait en Thaïlande pour une rhinoplastie et pour y recevoir des implants. Donc, elle va se faire faire les boules et le nez. Hein? Bonne chance, Madame Chosebin. Sinon, ici, les croque-morts qui volaient des pacemakers aux défunts. Eh bien oui, les cinq employés travaillaient auprès d'une morgue de l'hôpital de San Salvador de Pesaro sur la côte adriatique italienne où ils s'occupaient des dépouilles de personnes décédées. 3 d'entre eux pratiquaient carrément des opérations chirurgicales sur les morts pour prélever leur pacemaker, puis injectaient du formol aux cadavres pour les rendre plus beaux. Selon un communiqué de la presse sur cette opération baptisée Lazarus, du nom d'un personnage du Nouveau Testament rendu à la vie par Jésus, les croque-morts se rendaient aussi au domicile des membres de famille pour leur extorquer de l'argent afin de revêtir les défunts, encaissant jusqu'à 500 euros pour une paire de chaussures, un habit et un rosaire, sans reverser l'argent dans des caisses à l'hôpital. La police enquête également sur une trentaine d'autres personnes, dont les médecins et des entrepreneurs, dont des médecins et des entrepreneurs de pompes funèbres. On fait de l'argent où il y en a. Et puis, c'est pas nouveau. Hein. À l'époque, au début de la médecine, des étudiants en médecine, on était obligés c'est pas pour rien que les cimetières étaient clôturés et qu'il y avait des gardiens de cimetière. C'est qu'on on avait un trafic de corps humains assez intense, et c'était tellement intense que c'était plus seulement un trafic de corps humains morts. Il y avait des gens qui se faisaient littéralement tuer pour leur corps parce que c'était payant de les vendre à la science. Ça ressemble à ça, je trouve. C'est très, très morbide. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cestfou.ca.